les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est l'émission 21 de cette saison 4, nous sommes le lundi 11 février et tout va bien, je pense ce soir une bonne émission à venir, je le pense, ne vous inquiétez pas si ma voix mue au fur et à mesure de l'émission, hein, c'est normal. C'est la crise d'adolescence. Exactement, ouais. C'est la crise d'adolescence, mais c'est pas grave, hein, j'ai pas beaucoup parlé ce soir et surtout que j'ai des chroniqueurs en forme ce soir. Bonsoir Yacine, Tim, Alex et Guillaume qui sont déjà avec nous ce Salut soir. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a Romain évidemment qui viendra juste après, qui a un impératif, mais c'était prévu, donc il arrivera dans une vingtaine de minutes, hein, pas de soucis. On va commencer, du coup, si Romain n'est pas là, on va commencer par la première ligue, le football, sans transition, hein, tout de suite, résultat de la semaine. Sport and Chill, les résultats. J'ai été plus vite que la musique ce soir quand même. J'ai même pas présenté de quoi on allait parler ce soir, puisqu'on allait parler évidemment en première ligue, hein, on va commencer avec ça, du 15 de France, on va voir si on va parler longuement ou pas, la NBA, des mondiaux d'Areux, donc en ski alpin, des autres sports, Romain nous le fera tout à l'heure, les résultats vont plus rien évidemment comme d'habitude, et un débat d'une bonne demi-heure sur la compétition majeure de cette semaine qui arrive, évidemment la Champions League et l'Europa League sont de retour, mais on parlera évidemment surtout de Champions League avec un match qui nous intéresse entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Et on finira par un quiz, monsieur, je vous le dis, donc des déclarations mythiques ce soir. Oh, joli. Pour ce soir, pour ce quiz. Bon à savoir. Voilà sur cette émission. Donc tout de suite, la première ligue, Guillaume. Oui. Surtout qu'il y a pas mal de choses en première ligue. Et en ce moment, ça bouge pas mal. Ouais, ça bouge pas mal. Ouais. Beaucoup de buts. Ouais. Alors, je vais commencer avec les résultats qui se sont passés cette semaine, enfin ce week-end. Ça a commencé samedi après-midi avec Manchester United qui confirme son regain de forme en s'imposant 3-0 à Fulham avec un doublé de Pogba. Crystal Palace et West Ham même partout. Arsenal s'impose chez le dernier Huddersfield 2-1. Liverpool redémarre en battant Bournemouth 3-0. Cardiff bat Southampton 2-1, Southampton est relégable. Watford bat Everton 1-0 et Brighton dans l'affiche du samedi en fin d'après-midi. Brighton a perdu à domicile face à Burnley 3-1. Ouais, ils ont mis ça à 18h30. Oui. Belle pub pour la première ligue. Super Sunday quoi. Ouais. Dimanche, c'était là le Super Sunday. Tottenham a battu Leicester 3-1. Et Chelsea s'est fait humilier 6-0 sur la pelouse de Manchester City. La punition. On y reviendra tout à l'heure. Ouais, là c'est. Ouh là là. Ouh là. Ça pique. Ouh là là. Ce soir, Wolverhampton, dans le dernier match de la journée, reçoit Newcastle. Au classement, ça donne Manchester City 65 points en tête, devant Liverpool également 65 points, mais Manchester City a un match en plus. Ah ouais. Tottenham est 3e avec 60 points. 4e, Manchester United, 51 points. 5e, Arsenal, 50 points. Égalité avec Chelsea, 6e, 50. Et derrière, c'est décroché. Wolverhampton est donc 7e avec 38 points. En bas de classement, il y a 6 équipes qui se jouent la relégation. Ça part du 13e, Crystal Palace, qui est à égalité avec Brighton et Burnley, 27 points. 16e, Cardiff, 25 points. 17e, Newcastle, 24 points, donc un match en moins. Et 18e, Southampton, avec 24 points. Fulham et Huddersfield, avec 17 et 11 ouais, points, semble sens, vraiment. Hein. Ouais, je pense que ça va tomber. Messieurs, j'ai une première question. Qui de United, Chelsea et Arsenal va décrocher la quatrième place? Parce que je pense que devant les trois, c'est fait. Bah, je vais commencer. Moi, dans mon esprit, j'ai pas envie de dire qu'on voit déjà la fin de l'histoire. Mais j'ai l'impression que United, comme chaque année, va coiffer Arsenal. Chelsea, clairement, pour moi, je sens qu'une dynamique est rompue et que Sarri. On va dire la sellette. Ouais, avec le schéma tactique de Sarri qui parce que c'est aussi une révolution qu'il avait voulu en août dernier, pour l'instant ne prend pas forcément après des bons débuts. Arsenal pour moi est beaucoup trop incohérent dans ses prestations qu'il n'arrive pas à répéter chaque semaine, tandis qu'United pour l'instant, alors certes c'est pas forcément sexy, mais ça gagne et ça gagne depuis pas mal de temps déjà. avec pour le coup vraiment un Pogba qui s'affiche comme un meneur de jeu et qui marque, On verra demain, on aura l'occasion d'en reparler pour Manchester-Paris, mais je pense que Manchester est vraiment pour moi bien armé et en tout cas sur une meilleure dynamique que les deux autres pour la quatrième place. Et je vois United, personnellement. Ouais, je suis en partie d'accord avec toi. Je pense que sur la dynamique, United est au-dessus de Arsenal et Chelsea. Moi, je serais plus inquiet pour Chelsea que pour Arsenal. Je suis d'accord, je pense que Chelsea, il y a un problème, une micro-fissure entre l'entraîneur et les joueurs. Le dispositif tactique semble trop exigeant et avec des joueurs qui ne sont pas forcément capables au milieu de terrain de reproduire ça. Après Arsenal, je pense qu'à la surprise, pourrait peut-être concurrencer plus qu'on ne le pense United. Je pense que United, là, ils sont sur une dynamique vraiment incroyable, mais qu'ils vont finir par laisser ils vont laisser un peu des plumes en Ligue des Champions, je pense. Et jouer des gros un jour. Parce que sur les... Bon, après, ils ont quand même battu Tottenham et Arsenal. Arsenal en coupe. Il y a Liverpool Arsenal qui arrive. Voilà. Mais sur la dynamique, Manchester est au-dessus, mais je pense que ça sera une lutte entre United et Arsenal pour 4ème place. Oui, Alex. Alors moi, je suis assez d'accord avec Tim et Yacine concernant Chelsea, parce que ce que je me demande aussi, moi, c'est compte tenu que Eden Hazard a très clairement annoncé et démontre qu'il a vraiment envie de partir, est-ce qu'un joueur qui a déjà la tête ailleurs va être motivé pour finir la saison? Pour l'interrogation. Une équipe qui porte aussi à bout de bras. Donc c'est vrai qu'il a l'air professionnel tout de même comme joueur. Après, je sais pas, Chelsea. Ça fait longtemps qu'il a dit qu'il allait partir et après, sur Arsenal. Rien n'est perdu encore. Ça va mal, mais rien n'est perdu pour l'instant. Ils sont 6e, c'est ça. Ils ont un match en retard en plus. Ils ont un match de. Un match en retard et. Après, Manchester United, c'est vrai que c'est la dynamique. Ils auront un match en retard. J'ai toujours bien aimé Solskjaer en tant que joueur. Il a fait du très bon travail à Molde, champion de Norvège et même en Ligue Europa quand il a démarré en tant qu'entraîneur. Après Arsenal, c'est vrai qu'Arsenal, on a envie de dire que c'est eux qui vont passer à la trapinette en premier parce que effectivement, club de la loose un peu quoi. Donc ces dernières années, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après Unai Emery, il fait du bon travail. Ouais, il faut qu'il aille en Ligue Europa. On va résumer ça comme ça. Quoi. Arsenal, mais ils sont en Ligue Europa, ils vont jouer un 16e. Non, mais à la fin de la saison, ils vont se qualifier, c'est-à-dire ils vont pas être à 4e. Il y a pas trop de problèmes en Angleterre. Il y a 7 clubs qui sont européens, je pense. Est-ce qu'ils veulent l'Europa League? J'en doute quand même. Bien sûr. Après, faut pas oublier que la victoire en Europa League est qualificative pour la Ligue des Champions. Après, cette année, il y a une concurrence pas mal. On en parlera après l'Europa League. On en parlera dans le débat. Mais moi, je dirais Manchester pour terminer. Je vois la dynamique. Et toi-même, Guillaume, tu peux répondre. Moi, je pense que ce sera Manchester United devant Arsenal et Chelsea. Ok. Voilà, bon, sans argument. C'est le gros flop. Et franchement, je parle là. Marché pourtant début de saison. Je parle en tant que supporter de Liverpool. Vu la performance d'hier, ce serait mérité qu'ils finissent 6ème Chelsea. Ils nous ont pas rangés. Deuxième question, justement, qui est portée sur donc Chelsea et Arsenal, qui ont eu cette saison deux nouveaux entraîneurs sur leur banc de touche. Donc un qui est à une situation plus compliquée vu qu'il passe après un entraîneur qui est resté 20 ans, c'est Unai Emery. Que pensez-vous de leur début à Sarri? Donc Sarri, on sait les difficultés qu'il a, et Emery, les difficultés qu'il a eues, la belle période aussi de 11 victoires consécutives à l'automne. Ouais, pas l'oublier. Quel bilan Peut-être Emery plutôt pour Team. Ouais, moi, je te cache pas que je regarde plus les matchs d'Arsenal que ceux de Chelsea, mais j'en regarde quand même aussi de Chelsea. Emery, sincèrement, avec l'effectif qu'il a, je trouve qu'au milieu, c'est pas tant pourvu que ça. Il a quand même hissé un joueur comme Guendouzi que personne ne connaissait, quasiment en mettre à jour au milieu de terrain. Il a des qui idées. Qui est français aussi. Qui est français, qui est un très bon espoir du français, un joueur assez élégant sur le terrain en plus. Coucou Rabiot. Pas au niveau de la coupe de cheveux par contre, mais c'est l'équipe Bob. Coucou Rabiot quand même. Mais je trouve que c'est un concurrent de Rabiot pour l'équipe de France. Il faudrait qu'il rejoue déjà Rabiot. Il joue d'abord l'Euro Espoir et puis après on verra. Mais je trouve que Emery a des idées innovantes et des idées de jeu qui vraiment correspondent à l'esprit d'Arsenal, à savoir un jeu de possession, des transmissions rapides. Et faut pas oublier, comme tu l'as dit, il passe derrière Wenger qui a été là pendant 20 ans, donc prendre le relais derrière, c'est quand même pas évident. Pour une première année, je pense que si on faisait un sondage auprès des supporters d'Arsenal, ils seraient satisfaits. Et après, bon, il y a toujours ce problème de jouer contre les gros et de pas gagner ses matchs. Mais voilà, moi je mettrais quand même Emery au-dessus de Sarri sans problème. Et toi, du coup, Yacine connaît peut-être un peu plus Sarri pour le foot italien. Est-ce que tu es surpris du coup Clairement. De cette fissure. Enfin, Si on fissure un peu avec, avec son, son effectif. Ce qui est un peu décevant pour moi pour Sarri, même si j'attends encore, est-ce que les dirigeants de Chelsea attendront, ça c'est la question aussi. J'attends peut-être de voir une deuxième année, parce que clairement, il voulait, ça s'est pas fait pour des raisons économiques, il voulait Higuain dès la rentrée dernière. Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle Chelsea ne marche pas? Ben, on voit quand même qu'ils n'ont pas eu de numéro 9 de renom, et en tout cas, même si j'aime beaucoup Olivier Giroud, ben, il n'a pas forcément marqué, et que ça fonctionnait surtout à partir des côtés, donc Willian Hazard et du milieu. Il n'a pas de numéro 9, pour l'instant, il a réussi à faire signer Higuain. Ben, il a eu Morata quand même, qui a été un flop. Morata qui est en déchéance totale depuis qu'il est parti de la Juve. On voit que même à l'Atletico, il a un peu de mal pour ses débuts. Moi, je suis un peu déçu par Sarri, mais j'attends encore un peu de voir, et moi, je suis plutôt d'accord avec Tim pour le fait de dire que Emery me fait meilleure impression à l'instant, parce que, comme tu disais, il joue beaucoup sur la transmission rapide, que devant, en plus, il a deux joueurs qui lui permettent de la mettre au fond très rapidement, et que là, pour l'instant, la connexion marche bien entre Lacazette et Aubameyang. Tout à fait. Et j'étais plutôt sceptique sur Aubameyang à Arsenal. Je trouve que pour l'instant, il brille. Pour l'instant, point pour Emery, et Sarri, attendons de voir avec Higuain. Mais je dirais que Chelsea, c'est comme chaque année, c'est aussi un souci d'effectif. Je trouve que tourner avec 14 ou 15 joueurs, c'est pas suffisamment raisonnable. Ok, on va passer peut-être au titre, cette fois-ci, en Angleterre. Oui, une petite question facile. Merci. Qui va être champion d'Angleterre? Ce blues, sans parler de Chelsea. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de la poser, mais Flo me l'impose. Non, mais oui... Sur la dynamique, on a vu que Liverpool a eu du mal sur les deux derniers matchs avec deux matchs nuls à part ce week-end. City qui commence à carburer et à trouver son rythme, il commence à exploser les adversaires directs de début de saison en tout cas. 6-0, ils ont gagné un autre match avec un carton aussi. Voilà, sur la dynamique, est-ce que vous pensez que finalement, par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que le titre peut échapper à Liverpool ? Ou va échapper à Liverpool? Flo m'a dit oui. Sincèrement, moi je pense pas. Je pense que la malédiction d'il y a 3 ans, si je ne m'abuse, où ils perdent le titre avec cette glissade de Gerrard, va trotter dans les têtes. Et je pense qu'ils retiendront les leçons du passé. Et là, ils ont traversé une petite mauvaise passe avec des points perdus. Mais moi, je pense que City va pas faire un sans faute. Ils vont pas gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Faut pas être illusoire, ils sont aussi engagés en Ligue des Champions. Bon, Liverpool aussi, vous me direz. Mais je pense que Liverpool fera le nécessaire, et de toute façon, ils ne se rencontrent plus avec City. Non. Donc après, il faudra voir au niveau du calendrier quel est le plus avantageux. Et la différence de but aussi, ça va compter. La différence de but aussi. Parce et hier, plus 6. Hier, plus 6, ça peut compter. Mais moi, je vois Liverpool faire le nécessaire pour l'histoire. Ok, est-ce que vous êtes d'accord juste très rapidement? Moi, je dis juste que Liverpool, la différence entre City et Liverpool, c'est que City ne rate pas ses gros matchs. Et même s'ils peuvent perdre des points face aux petits, Liverpool perd aussi des points face aux petits, mais perd aussi des points face aux gros. Et pour moi, tout va se jouer le week-end à venir. Pas tout. Beaucoup quand même entre United et Liverpool. Si Liverpool perd et que City gagne, ça commence à sentir mauvais parce que City ne perd pas les gros matchs. Ouais, moi rapidement, j'aurais juste envie de dire, mon cœur envie de dire Liverpool, mais mon côté pragmatique dit plutôt City. J'aimerais Liverpool, Guillaume, aussi. Hein. Très bien. Ah, ben. Je te rassure. D'ailleurs, je suis confiant hein, pour Liverpool, vraiment. Merci messieurs pour ce bon point Premier League. Merci Guillaume. On passe au 15 de France, un point un peu plus épineux cette fois-ci. On peut peut-être commencer pas par les hommes, on va finir par eux, mais commencer par les, enfin si du coup les hommes, les U20 si t'en as peut-être. Bien sûr. Ainsi que les féminines qui elles aussi se sont pris une rouste. Oui, il fallait pas du voyage du côté traverser la Manche hein, ce week-end pour les équipes françaises, puisqu'effectivement, je vais démarrer donc par les moins de 20 ans avec une défaite 31-19. Où j'ai presque envie de dire que c'est ceux qui se sont le mieux défendus des trois équipes, entre les féminines et les A, quoi. Mais on a quand même vu une équipe anglaise qui était quand même au-dessus de nos moins de 20 ans, mais qui est quand même une grosse équipe. Souvent, les France-Angleterre chez les moins de 20 ans, c'est quand même des très gros matchs, des matchs au couteau. Après, effectivement, c'était en Angleterre. Je pense que le match aurait été en France, l'avantage du terrain aurait peut-être joué. En revanche, je pense que même en France, l'avantage du terrain n'aurait pas joué pour les féminines, qui elles, par contre, ont pris 41-26 sur le match, mais 24-0 à la pause. Oui. Avec, ça piquait pas mal. Et bon, donc... après c'était un peu un coup d'une année l'année dernière quand même. On va gagner à la dernière seconde devant 17 000 personnes, qui est un record. Après elle bat les Néo-Zélandaises aussi. Le tournoi d'automne là quand même il y a eu. Non, mais je note qu'il y a une progression, victoire, c'est clair. Mais et puis faut, cette année en fait avant le début du tournoi il y a eu vraiment une refonte un petit peu de l'effectif. Mmh. Il a été rajeuni, ils ont apporté du 109 et le 15 féminin d'Angleterre c'est quand même une belle machine aussi en face. Hein. Donc effectivement voilà là, mais beaucoup trop de fragilité comme chez Léa, hein, beaucoup trop de fragilité en défense, notamment en première mi-temps, le 24-0 plaquage raté, etc. Ils ont été très très faibles en première mi-temps et en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, de toute façon, elles ont fait jeu égal quasiment, puisque je suis pas très bon en maths, mais elles ont mis 26 points et 41. Ouais, elles gagnent la deuxième mi-temps. Elles gagnent la deuxième mi-temps, voilà. Donc, fallait se réveiller avant et c'est ce qui leur a coûté aussi le match. Avec des bons changements quand même aussi, l'apport des remplaçantes qui ont fait du bien. Quoi. C'est ce qu'on dit souvent quand on prend une toll d'essayer de gagner à deuxième mi-temps. Ouais. Je pense que Chelsea s'est dit ça hier aussi. Au final, il parlait de demi-temps. Au final, à demi-temps, ouais, voilà. Ouais, ça arrive plusieurs fois de pas avoir. Ça veut dire quand même que t'es mal en point, quoi. Ouais. Ouais, non, par contre, après, je pense que pour les moins de 20 ou le 15 féminin, le prochain match, il y aura une victoire au bout et ils vont se relancer. Faut pas s'attarder sur ces résultats. Tu rappelles qui contre quel adversaire? L'Écosse, comme pour Léa, voilà. Non, parce que pour ceux qui savent pas, oui, c'est dans deux semaines. Voilà, c'est ça. Le 22 février. Et ce sera à domicile. Ouais. Cette fois-ci, donc les A, qui est encore plus problématique, puisque là, on surfe après de nombreuses défaites. Oui. Encore une fois, très sévère cette fois-ci. Oui, déjà, je vais te saluer, Florian, pour ton bon pronostic en ayant vu la victoire bonifiée du 15 anglais. Je crois que la victoire de l'Angleterre à plus 23, donc plus 23, c'était largement. Elle était à quasiment 4. Hein. Ah ouais. Donc il y avait quelque chose, il y avait de la pièce à mettre. Enfin, si tu pariais au début, ouais, il y avait un bon. Ouais. Après, ouais. Le dernier jour, la cote était plus faible. Je l'ai eu la semaine dernière, quoi. Mais après, moi, c'est vrai que j'étais resté un petit peu plus optimiste. Parce que déjà, c'est les Anglais, que c'est le crunch et que j'ai des problèmes avec les Anglais. Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, non, c'est pas ça. Il y a aussi la première mi-temps face aux Gallois qui donnait beaucoup d'espérance. Malgré la défaite à la clé. Et première mi-temps, donc la défaite 44-8, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, avec, comment je vais appeler ça, une bouillie de rugby côté français. parce que moi je vais être très clair, pour moi les Anglais ils ont fait un très bon match, bien maîtrisé, parfait. On a parlé un petit peu avec Tim en antenne sur l'importance du jeu au pied d'Owen Farrell. Moi je rajouterais Ben Youngs aussi, mais pour moi ils ont fait un truc de très très basique, un peu dans un style similaire de jeu au niveau du style de jeu, pas avec les Irlandais ou avec les Gallois, c'est-à-dire du jeu, beaucoup d'utilisation de jeu au pied avec du jeu de pression dont le but est en fait de soit faire du gain terrain et du coup de courir pour mettre la pression sur la défense adverse, qui vous oblige dans un deuxième temps à taper en touche, à trouver une petite touche, donc du coup l'équipe d'Angleterre récupérer possession du ballon pour créer une phase offensive. Ou alors il y a la deuxième action, c'est la phase de pression avec le demi de mêlée, donc Ben Youngs qui tape magnifiquement pour récupérer des ballons en l'air, ou pareil vous mettez sous pression le défenseur adverse qui récupère sous pression et vous pouvez obtenir une pénalité. Et après l'autre jeu, c'est le jeu au pied dans le dos de la défense, où on prend quand même 5 essais sur du jeu au pied de pression, faut quand même le dire. Là c'est quand même un problème, pour moi c'est inadmissible au bout de 2 essais de continuer dans le match à en prendre derrière. C'est inadmissible d'avoir un staff technique qui ne bosse pas ça à la mi-temps, parce que comme l'a souligné Fabien Galthié, je pense qu'effectivement la Coupe du Monde au Japon risque d'être la Coupe du Monde du jeu au pied, mais on voit que c'est une arme qui est de plus en plus utilisée, notamment par les équipes de l'hémisphère nord. Ouais, bien utilisée, hein. C'est pas taper au pied juste pour taper. Non, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut guérir du terrain. Jeu d'occupation, c'est ça. Une stratégie, mais ils l'ont rondement mené quand même. Tout à fait, c'est du jeu de pression bien calculé avec Tony May qui va très très vite et qui est très bon également. Mais 5 essais encaissés pour du jeu au pied, pour moi, c'est pas normal. Après, Vamaena, il a dit il faut ouvrir les yeux. Je pense que oui. Après, moi, je vais poser la question là, pour savoir ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et je pense vraiment virer. Enfin, s'il y a défaite contre l'Écosse, ce que je pense qu'il risque d'arriver, oui. Virer des joueurs, et je vais aller plus loin, virer Brunel, parce que le copinage avec Laporte, ça va bien 2 minutes, mais tu vas pas assez loin pour moi. Noves s'est fait virer pour moins que ça, donc voilà, je veux savoir ce que vous en pensez. déjà sur ça. On parle beaucoup de nombreuses personnes, on a encore entendu à la radio tout à l'heure avec Guillaume, qui mettent un coup de pied dans la fourmilière, mais plus que ça, c'est-à-dire faire table rase sur de nombreux tableaux. Donc, et non pas uniquement dans la Ligue de France, même dans les institutions. Bah, la Fédé et dans la Ligue également. Oui, mais après, sur c'est vraiment structurel, hein, et ça ne se cantonne pas qu'au niveau de la fédération. Qu'est-ce que tu appelles structurel? Parce que là, je ne suis pas d'accord. Toutes les instances. Ah, mais tu parles des instances. Oui, oui. Ouais, parce que, ça, d'accord, ok. Parce qu'on peut se dire quand même qu'on a accueilli quand même Brunel, qui a fait du très bon boulot avec l'USAP, du très bon boulot avec l'Italie, qui a mené l'Italie quand même peut-être au meilleur de son histoire. L'Italie, c'est plus mitigé que ça, moi, je dirais, parce que bon sur le début et à la on fin. On ne parlera pas de l'Italie, mais Bordeaux, tu veux dire aussi. Oui, non, mais je veux dire, il a fait du bon boulot un peu partout. On peut parler quand même de Guinoves, qui est peut-être le meilleur entraîneur. Alors là, peut-être de club, mais le meilleur entraîneur en France. Et on n'a pas eu des peintres tout de même. Non, mais après... Alors est-ce que je sais plus qui c'est qui me posait cette question, c'est peut-être toi Yacine, est-ce que si on met un entraîneur étranger, ça changera la chose? Peut-être vous y répondrez, mais pour moi je pense que c'est vraiment un problème ultra profond qu'on ne pourra pas changer, du niveau structurel. Comme exactement, moi c'est ce que je te disais hier en aparté, c'est que selon moi, imaginez que par miracle, un sélectionneur comme Steve Hansen, parce qu'il paraît qu'il arrêterait après sélectionneur des Blacks, vienne soit nommé sélectionneur par la FFR et même lui échoue. Est-ce qu'on dirait lui aussi que c'est une pipasse? Double champion du monde avec après, il faut, après, faut aussi donner, avouer qu'on a une génération pourrie. Ouais. Déjà, première chose, un constat qu'il faut faire. Quoi. Voilà, ouais. Affirmer qu'on n'a pas une génération de grands joueurs, c'est clair et net, mais qu'on n'a pas non plus les pires joueurs de l'histoire, c'est aussi un autre topo. Qu'on peut quand même imaginer, quand on voit le 15 de départ au tournoi face aux Gallois, qu'on peut quand même fournir au moins un match complet et non pas seulement une première mi-temps. Mmh. C'est aussi un souci de mental. Et qu'à un moment donné, imaginons que même si on se cantonne aux soucis français, qu'on vire Brunel et Noves étant les meilleurs entraîneurs français quasiment des 20 dernières années, on mettrait qui du côté Brunel, français? Je suis pas d'accord. Ben, okay, un palmarès. On mettrait Pierre Mignoni et si le résultat était le même, qu'est-ce qu'on ferait aussi? Non, mais il n'y a pas que le sélectionneur. Mais moi, je t'ai dit, moi, c'est des joueurs et le sélectionneur. Parce que moi, Guirado, par exemple, j'en peux plus. Et lui, je crois qu'il n'en peut plus non plus. Hein. Après, moi, je suis d'accord. En effet, Flo disait que contre les Gallois, il était clair, il était évident que les remplacements avaient clairement été la faute de Brunel. Les changements étaient absolument incompréhensibles. Il avait enlevé le meilleur joueur pour moi qui était Penaud, alors qu'il n'était pas forcément blessé. Et du début à la fin, ces remplacements pour moi étaient une erreur. Mais je veux dire, ça peut les joueurs sont perdus. Les joueurs sont perdus. Ntamak qui rentre à l'arrière. On va peut-être revenir sur recentrer un peu le sujet. On va parler du jeu de l'équipe de France. Peut-être on parle souvent en ce moment. Enfin, on a toujours parlé de ce qu'on appelle le French Flair, qui est cette manière de ne pas avoir de règles. Et un peu des fois laisser parler l'imagination, oui, sur les récup, ce que n'ont pas fait du tout les Anglais hier. Alors eux, ils avaient une pièce de théâtre à jouer, ça, ils l'ont fait. C'était ça, on peut dire que c'était ça. Les Français, est-ce qu'ils doivent faire exactement la même chose que les Anglais, ce qu'on fait hier, ou ils doivent continuer et jouer vraiment le French Flair, mais cette fois-ci à fond, pas à moitié. Moi, je pense. Laisser introduire Romain aussi, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, c'est Romain. C'est un plaisir, messieurs, malgré le sujet qui est grave. Oui, qui est grave. du coup, peut-être vous avez des idées justement sur ça. Qui voulait commencer? Vas-y, Romain. Bah, Romain. Si vous voulez, je démarre. Je pourrais plus parler, les gars. Vous pourrez largement parler. Surtout que je rentre dans le sujet et je vous écoutais attentivement. Concernant du coup notre jeu, je trouve ta question très intéressante. Ça pose des questions assez stratégiques sur ce qu'on produit. Ce qui est clair, c'est qu'actuellement on ne fait ni l'un ni l'autre. Hein, non, c'est clair. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde notre rugby, c'est-à-dire recopier exactement le jeu proposé par les nations de l'hémisphère sud ou les meilleurs du nord, en l'occurrence actuellement, même si le Pays de Galles peut faire un très beau tournoi, pour moi l'Angleterre et l'Irlande, c'est pas forcément un gage de réussite, parce que si c'est pour réaliser une pâle copie, on n'aura pas forcément toutes les cartes pour aller réaliser de grandes performances, et nos joueurs français n'ont pas été forcément formés à cela. Par contre, le problème il est là, c'est-à-dire qu'il faut sans doute se poser malgré tout des questions pour être nettement plus performant sur les secteurs où ces nations-là sont fortes. Je veux dire par là, du coup, pour résumer mon propos, dans le jeu de passe qu'on est capable de produire, garder les ingrédients même si parfois ils peuvent paraître d'un rugby plus ancien, mais qui faisaient les grandes victoires de l'équipe de France dans le jeu de passe, le jeu justement à la toulousaine qu'à un moment aurait aimé nous proposer Guinoves. Hein. On n'a pas vraiment laissé le temps, il faut du temps pour ça. Aussi pour avec des mauvais résultats, mais c'est un autre sujet. Et le deuxième point, pour autant, progresser, notamment sur un secteur stratégique sur lequel on l'a jamais fait depuis bien bien longtemps, qu'on le dit pour autant, c'est le jeu au pied. Le jeu au pied tant. Mais là, tu fais un bon numéro 10. Je parle des pénalités, droit la question, ou autre, c'est ce que tu as, qui, quoi. À des moments clés, peuvent faire la différence dans un match. Ils nous ont fait défaut, par exemple, contre le Pays de Galles. Mais aussi le jeu au pied dans le jeu, comme l'ont fait les Anglais, qui est vraiment extrêmement important pour espérer faire quelque chose au niveau international. Tim, tu voulais peut-être réagir tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, d'un point de vue avec un peu plus de recul que vous, parce que je suis pas un expert comme vous du rugby, j'ai l'impression, ouais, que les joueurs, au-delà du niveau actuel, il est clair que sur le 15 établi, c'est quand même inférieur à celui de l'Angleterre. J'ai l'impression qu'ils sont perdus sur le terrain, quoi, comme ce que tu disais, Guillaume. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas forcément de stratégie d'établi, mais un minimum de cohérence dans les transmissions. J'ai trouvé qu'il y avait des erreurs techniques quand même affligeantes, sur la réception de ballons notamment. T'as pas de jeu au pied, donc pour moi, là, ce que tu dis, Romain, c'est vrai que c'est un gros point à travailler. Après, il faut voir la relève. Est-ce que t'as dans l'effectif des joueurs qui peuvent faire ça? Pour moi, Camille Lopez, je pense que ça va se limiter. Oui. Donc il faut voir si t'as pas de 10 depuis plus de 15 ans. D'un 10 du niveau de Farrell, tu l'as pas. Et en top 14, t'as quasiment que des étrangers au poste de titulaire, au poste d'ouvreur. Ça, c'est le problème du top 14, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers, quoi. On va être d'accord, Alex. Il y a pour autant un arrière au moins à faire jouer pour moi contre l'Écosse, qui est sans doute celui qui a le meilleur pied en plus, qui est Thomas Ramos, qu'on a vu bien trop peu. Et moi, finalement, c'est dur, mais j'espérais presque qu'on prenne effectivement cette dérouillée contre les Anglais, en espérant vraiment, en tout cas, que ça nous permette de nous remettre en cause, parce que le rugby qu'on prenait, notamment avec la ligne de trois quarts proposée, ne colle plus en tout cas à la réalité du rugby international. Et il n'y a rien qu'à voir, je reviendrai quand même sur Brunel, hein. Je dis pas que c'est une pipasse, hein, mais pour autant il y a des choix qui sont incohérents contre les Gallois, vous l'avez dit, mais aussi contre l'Angleterre. À un moment du match, on a quand même eu alors certes il y a eu des changements parfois forcés, mais Romain Ntamack à l'arrière, Gaël Ficou à l'aile qui est trois quarts centre, Thomas Ramos à une autre aile alors qu'on avait voulu le faire rentrer à l'arrière. Il y a un moment, le coffre à ballon. J'ai même vu Bastaro à l'aile. À un moment, il y a trois joueurs qui vont sur le même poste. Oui. Ils se regardent comme ça. Donc ça montre aussi quelque ça chose. Montre la compréhension. Que lorsqu'on met aussi quatre centres sur le terrain, à un moment aussi, s'il y a une blessure, un changement important à faire, c'est foutu. Guillaume, vous voulez réagir? Ce sera le mot c'est de la fin. Je vais réagir et je vais poser des questions sans réponse, du coup, parce que j'ai constaté le massacre. Et pour moi, il y a deux urgences. Il y a celle de la Coupe du Monde. Dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs-là, en sachant qu'on va rejouer l'Angleterre, l'Argentine, les Tonga sans rigoler non plus. Oui, les Tonga sans rigoler. Mais après, les joueurs, ça change. Vous avez battu. Ouais. Donc, on va jouer une Coupe du Monde sans objectif. Se qualifier pour l'écart. Ouais. Voilà. C'est ça l'objectif. Ouais, ce sera ça. C'est terrible quand même. Et donc, sans entrer dans les questions, est-ce qu'on va changer d'entraîneur, tout ça, ça va être compliqué. Il y a une deuxième urgence, c'est si on remet tout à zéro sur... Oui. Le micro qui part. Et si on remet tout sur la table au niveau des instances, tout ça, il y a une deuxième urgence, c'est la Coupe du Monde 2023 qui est en France. Et si tu remets à zéro Fédé, Ligue, formation, tout ça... Non, la formation, c'est pas le problème. En 2019... Si tu remets toi à zéro, tu remets la formation à zéro. C'est pas le problème, sinon tu gagnes pas la Coupe du Monde des moins de 20, si c'est un problème de formation. C'est pas le problème, la formation. C'est un problème quand t'as des en fédéral t'as des étrangers qui jouent à la place des Français. Ça c'est pas un problème de formation, ça c'est un problème de quota. Les Irlandais, les Gallois, peut-être pas la changer, mais il faudra. C'est que les formations françaises, enfin ceux qui sortent des centres de formation français, ne sont pas protégés. Voilà. Ah oui, mais ça c'est pas un problème de formation, c'est pas un niveau de politique de jeu. C'est une question de politique, c'est pas une question de formation. Si tu veux, même on enlève la formation, mais instance, dirigeant, nombre de clubs, tout ça dans le championnat, tu ne peux pas être performant que dans 4 ans, ce sera dans 10 ans. Et donc dans 4 ans, tu seras peut-être pas, vraiment pas au top chez toi. Ok, merci Guillaume. On termine sur ce point rugby. On a fait un gros point rugby encore aussi là. Et la semaine prochaine, ça sera notre débat sur le rugby, sur les 6 nations, mais pas cette fois-ci sur l'équipe de France. Ça sera, je pense, sur les autres nations dont on parle pas assez encore. Ah, mais... voilà, par exemple, on a pas pu parler de Écosse-Irlande, qui était un beau match aussi. Oui, quoi. Voilà. Mais là, ça va être le moment. C'est la semaine prochaine. On passe non pas à la NBA, mais aux Mondiaux d'art en ski. Il y a eu du ski. En ce moment, c'est les championnats du monde sur 2 semaines, et il y a des belles nouvelles, notamment aujourd'hui. Allons en parler. Il y a 2 belles nouvelles, effectivement. Ça se confirme que dès que Guillaume a parlé de peinture, mais tant mieux qu'il fasse mentir, tant mieux. À fond, effectivement, avec les championnats du monde d'Areux en Suède et 2 événements majeurs côté français. Je vais démarrer par là avec 2 médailles déjà à mettre à l'actif du contingent français, ce qui est plutôt un bon résultat pour cette première semaine. Personnellement, je n'aurais pas espéré beaucoup mieux. D'autant plus quand on voit la couleur du métal, sachant qu'Yoran Claré est allé chercher la médaille d'argent en Super G derrière Dominique Paris, la star des disciplines de vitesse actuellement sur le circuit. Donc très belle performance à 30 ans. Qui est italien malgré son nom. Dominique Paris, oui, malgré son nom qui est italien, tu fais bien de le dire. Deuxième ex aequo, Yoann Claré avec Vincent Krischmeier, l'Autrichien, qui a d'ailleurs fait aussi médaille de bronze sur la descente. Et l'autre grande médaille française, c'est enfin, vous me direz, et pourra me rétorquer d'ailleurs Guillaume, la médaille d'or mondiale pour Alexis Pinturo. C'est la nouvelle toute fraîche, hein, sachant que ça date de cet après-midi. Donc le combiné, qui malheureusement, une épreuve très appréciée des skieurs, mais vouée à disparaître lors des prochains Jeux Olympiques, mais où la France a de très bons skieurs. C'est l'épreuve qui demande d'être le plus complet. Il y a une manche de descente et ensuite une manche de slalom. C'est au cumul des 2 manches qu'on a le classement final. Et on a un podium de slalomeur avec la victoire de Alexis Pinturo devant le Slovène Stefan Adalin et l'Autrichien Marco Schwartz. Très belle victoire pour Alexis Pinturo, et qui a souvent tourné autour et qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en combiné devant Victor Mufajandé. Petite déception d'ailleurs pour celui-ci qui fait une 6e place. Mais superbe titre pour Pinturo, et espérons que ça puisse le débloquer aussi pour la seconde semaine avec le slalom géant et le slalom. Seule petite alerte, lors de la descente, il s'est visiblement fait un petit peu mal au genou, donc il va passer une IRM. Ça l'a pas empêché d'aller chercher la victoire sur le slalom, donc a priori, au moment, ça va, en tout cas à chaud, mais il faudra voir si ça ne remet pas en cause, au moins, en tout cas, je pense pas sa participation, mais la qualité de ses performances en géant et en slalom. Je reviens plutôt maintenant sur les résultats internationaux, si je puis dire, avec du coup... J'avais dit de mettre une petite pièce sur les retraités. Hein. Voilà, et mettre une petite pièce sur les retraités, il l'avait dit lors du débat la semaine dernière, Flo. Donc en Super G, j'ai dit c'est Dominique Paris qui l'a remporté chez les hommes. En descente, donc la discipline reine des disciplines de vitesse, c'est le Norvégien Kjetil Jansrud qui s'est imposé devant... Alex Lundvindal, effectivement, qui va prendre bientôt sa retraite. Qui a pris, c'était sa dernière... C'était sa dernière course, tu fais bien de le dire. Je dis bientôt, mais c'est plus que bientôt, c'est la dernière, c'est donc c'est une fin en apothéose pour celui-ci. Devant, du coup, Vincent Krischmeier, 2 médailles de bronze au cours de cette semaine pour l'Autrichien. Et dans la descente féminine, c'est Lynn Sevon, aussi, elle, nouvellement retraitée, qui a réalisé une très grosse perf, parce qu'elle, on la voyait sans doute pas être capable de cela, surtout après sa chute sur le Super G gagné par Mikaela Shiffrin. Et Lynn Sevon est allée chercher la médaille d'argent pour sa dernière course, derrière du coup qui a été médaillé d'or Ilka Stuetsch, qui avait déjà été championne du monde il y a 2 ans à Saint-Moritz en 2017, et puis pour être bien exhaustif, c'est Wendy Holdener également qui a gardé son titre en combiné. Donc magnifique victoire aussi pour la Suissesse. Mikaela Shiffrin, d'ailleurs, ça va être ma petite question pour vous, avait décidé de ne pas concourir en combiné, ce qui a fait un petit peu parler, notamment Lynn Sevon, même si je trouve personnellement que dans les médias, on a fait un petit peu beaucoup sur la rivalité des 2 grandes championnes américaines, la néo-retraitée Lynn Sevon et la prodige Mikaela Shiffrin, qui a déjà gagné le Super G, et qui en fait s'économise pour donner le contexte en vue du slalom et slalom géant qui sont ses grands objectifs. Elle aimerait faire 3 médailles d'or. Elle a du coup décidé de s'économiser sur le combiné. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix ? Ou finalement un petit manque d'ambition, la peur d'aller chercher carrément le quadruplé ? Moi je pense que c'est un manque d'ambition. Les grands champions, ils ont peur de rien. Ils sont sûrs d'eux. Le rythme, bon, il est un peu effréné. Il y a quoi ? Si tu fais tout, il y a 6 courses en 2 semaines ? 5-6 ouais. Avec des fois deux manches et tout, ouais, bon, ça, c'est vrai 5, que ça peut. 5 ou 6, ils font l'épreuve par équipe. Mais je prends l'exemple d'un autre sport, c'est pas le même physique, c'est pas la même chose, mais la natation où les mecs ils font plusieurs compètes, des fois Michael Phelps a fait 100% de ce qu'il pouvait faire. Mm. Voilà, elle aurait pu rentrer dans l'histoire en étant peut-être la première à tout gagner. Elle est, bon, elle est jeune, mais elle est à son top. Elle est imbattable. Bah, tente-le, quoi. Ouais. Tu dis que dans deux ans, elle sera plus, bah, voilà. Elle sera plus à fond. Peut-être pas. Après, Nathalie, surtout qu'en plus, j'ai eu peur, justement, de peut-être hypothéquer ses chances pour le slalom, notamment, où c'est vraiment la discipline, ouais, dans laquelle elle excelle le plus et où, avec la mémoire, quand même, des Jeux Olympiques, elle n'avait pas été en mesure d'aller remporter l'ensemble. Elle le démontre chaque week-end que peu importe le où elle s'inscrit, elle gagne. Donc, mais c'est dommage, ouais, faut croire qu'elle se méfie de Petra Bouba aussi, qui elle pour autant a fait le combiné, aller chercher l'argent. Donc là-dessus, on peut vous rejoindre. Après, je trouve que Guillaume t'es un petit peu dur quand même parce que franchement, non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je valide plutôt sa stratégie parce que tu mettrais une pièce sur le 15 de France, toi. Un billet. Mais non, mais je pense que c'est plutôt une bonne stratégie. Il faut quand même que, enfin, dire que c'est parce que elle a peur et tout. Je pense pas. Non, je pense qu'elle c'est pas ça. C'est elle calcule et bon, moi ça me choque pas. Je trouve qu'elle, je pense qu'elle a raison après tout. Donc voilà. Non, moi je pense qu'il faut. Ça se discute, quoi. Ouais, voilà. Faut pas. Moi je le critiquerai pas, non. Ok. Une dernière courte question. Est-ce que justement quelqu'un voulait faire un petit mot sur Lynn Sevon? Que penser justement d'une telle championne qui passe très proche du record absolu? C'est le record de Stenmark, qu'elle n'est pas du coup allée chercher. Mais arrête-t-elle finalement au bon moment? Elle a enchaîné chute sur chute. Elle va chercher une médaille d'argent. Finalement, moi je n'ai pas votre avis, mais c'est la belle défunte. Elle est plus toute jeune, non? Ouais, puis elle a eu plusieurs, elle a surtout elle a quoi, 39, plusieurs non blessures. Non, moins que ouais, ça, un peu moins. 5, je pense. 30 quoi. Je t'avoue que j'ai pas. J'ai, là, j'ai tu, pas non tu, plus, tu mais 39, me ça, colle, fait, mais ça fait assez vieux quand même pour le ski, non? Ouais, bah, ouais. Même si elle a eu sa alors, médaille à 38 ans, mais elle est plus jeune que ça. Je pense qu'elle a 35 sûrement, autour de 35 ans. Lynn Sevon a 33, donc. Ouais, bon. Moi, je pense qu'elle est dans ce stage-là. Mais ça arrête au bon moment. On va pas épiloguer là-dessus. Mais surtout, effectivement, le petite remarque à faire, c'est qu'elle a eu beaucoup de blessures. Ouais. Elle a su à chaque fois rebondir et là je pense qu'elle fait pour une fois preuve de sagesse. Tu parlais des grands champions, c'est aussi de s'arrêter au bon moment. Oui, pour les parce qu'à voilà, un bout moment ton corps ne répond plus. Hein. Quoi. Pour conclure, non, mais, ouais, c'est ton corps ne répond plus donc après. Pour conclure sur Lynn Sevon, voilà, on peut dire que sa dernière course n'était pas un baroud d'honneur. Ok, ouais, oui, c'est bon. Merci voilà, Yacine. C'est bon, allez, en fait, faut passer la parole à Yacine pour finir les chroniques. On va passer à une autre, c'est la NBA. Mon cher Tim, il y a des belles choses en NBA toujours. Hein. Ouais, écoute, encore, programme toujours chargé, hein, ça s'arrête pas. En ce moment, ça fait un mois et demi que je te prends 10 secondes. Hein. Toutes les nuits, il faut que je regarde un match. Ah ouais, mais si tu arrives, tant mieux. Parce que, ouais, parce que je suis au chômage, donc j'ai le temps. mais hier, je me suis endormi avec le match de 2h30, je sais plus ce que c'était. Orlando. Il y avait Orlando. Orlando-Atlanta, ouais. Il faut se le farcir pourtant celui-là. Et ben j'ai mis la télé, je me suis endormi. Il y avait un sacré de tout. J'ai une passion naissante comme ça. C'est une addiction, ça. Mais avant, par contre, il y avait un Philadelphie-Lakers. Oui, que j'ai regardé en c'était sympa. Mais on est fiers de toi avec toi. Ouais, non, écoute. Je vais pouvoir participer au débat maintenant. Quid de Joël David. Tu vas devenir un vrai. Tout ça pour la radio. Ouais, tout ça pour la radio, bon, bien sûr. Tu ne devais pas jouer en plus à la base. Ouais. Et donc pas mal de résultats. Je vais commencer à partir des résultats jeudi. Une des bonnes surprises du moment, c'est les Nets qui ont battu Denver. 135-130, c'était jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Dallas qui s'est imposé face à Charlotte, qui lutte aussi pour les places qualificatives. Dans le match en opposant les Warriors aux Spurs, il n'y a pas eu vraiment de match. Hein. Les Warriors qui ont donné le leçon, 141-102. Et vendredi, c'est mon match de la semaine. C'était les Celtics qui accueillaient les Lakers avec le retour de LeBron James. Et finalement, contre toute attente, une victoire des Lakers au buzzer. Rajon Rondo qui a joué un mauvais tour à ses anciens partenaires. Victoire 129-128 pour les Lakers. Portland s'était imposé face aux Spurs, deuxième défaite d'affilée à l'extérieur pour les Spurs. Les Pacers avaient battu les Clippers 116-92. Samedi, encore une nouvelle défaite pour Denver, qui était anciennement leader à la conférence Ouest, je le rappelle. Défaite contre les Sixers 117-110. Sacramento qui a battu Miami et qui vraiment confirme sa bonne dynamique du moment. Utah Jazz qui a puni les Spurs pour avoir gardé une partie du match catastrophique. Les Spurs en défense en ce moment, troisième défaite d'affilée quand même, je suis assez inquiet, je vous le cache pas. Ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, les Raptors ont disposé des Knicks. Qui ne dispose pas des Knicks en même temps. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'allais dire. En plus, j'allais dire facilement, ils ont gagné que de 5 points, donc ouais. Tout est relatif. Nouvelle défaite pour les Celtics, qui sont pas dans une forme optimale non plus, qui ont perdu contre les Clippers, qui ont pas grand chose à jouer en plus. Et là, c'est la défaite surprise de la semaine. Ils jouent plus les playoffs. Sincèrement, j'avais quitté la NBA la dernière fois. Je vais en parler. Duel entre Los Angeles. On peut les éliminer parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, Tobias Harris, qui a été transféré à Philadelphie. Donc là, tu peux les oublier, je pense. Mais bon, c'est déjà beau de s'imposer sur le parquet des Celtics. Et pour le moment, ils sont encore pas loin des places qualificatives. Mais ouais, la fin de saison, ils sont difficiles. Voilà. La défaite surprise de la semaine, c'est la défaite de Milwaukee à domicile contre Orlando, de 20 points en plus. Saint-Giannis, non? Si. C'était le match là parce qu'ils ont fait un match. Non, t'as raison, il a pas joué. Ils ont fait un match à 83 points, c'est le pire de la saison et il était pas là. Exact, il a pas joué. Ouais, bien vu. Et après, c'est le. Ah, ça y est, je suis chaud. Ah, t'es archi chaud. Hein. C'est une mix, pareil, c'est... Tu peux me dire qui a fini le meilleur marqueur dans le match Houston-OKC? Bon, bah, Paul George. Eh ouais, devant James Harden. 45 points, non? Ouais, non, il est imbougeable, Paul George, en ce moment, sachez-le. Et James Harden, 42. Ah, Guillaume, il est chaud. Ouais, c'est ça, ouais. OKC qui s'est imposé sur le parquet des Rockets 117 à 112 sur un très beau match. Et on va finir avec les résultats d'hier. Tu l'as dit, les Sixers qui ont disposé facilement des Lakers 143-120. Dallas a battu Portland avec un Doncic plus clutch que jamais qui a marqué deux paniers dans les derniers instants du match. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Alors un joueur clutch en NBA, ça veut dire un joueur décisif. C'est un joueur qui fait gagner son équipe, qui prend la responsabilité d'inscrire le dernier panier. D'accord. Voilà, qui assume son statut comme Luka Doncic qui pourtant a 19 ans. Ouais. Sacramento s'est imposé face à Phoenix, Orlando a battu Atlanta et les Warriors se sont imposés face à Miami 120 à 118. Atlanta, ils doivent être contents d'avoir tradé Doncic. Ouais, le gros flair de leur part. Oh là là. Dommage. Donc pour rappeler un petit peu le classement, à l'ouest, Golden State Warriors, comme prévu, est repassé leader devant Denver. OKC, je pense, va valider la troisième place. Quatrième, Portland. Cinquième, Houston. À voir l'ordre entre les deux. Mais je pense que ce sera le top 6 à l'ouest. Je sais pas ce qu'en pense Romain. Ouais, plutôt. Et après, il manque quelques certitudes. Mais Utah, Spurs, je pense, se qualifieront. Et après, il y a Clippers, Sacramento, Lakers qui vont lutter. Je vois bien, c'est dur à dire, mais Sacramento est sur une bonne dynamique. Et après, à voir si les Lakers peuvent revenir avec LeBron, quoi. Ouais, pour LeBron, j'aimerais bien. Enfin, on pourrait bien apprécier revoir quand même les Lakers en playoff. Mais sur ce que je vois, mais bon. Et au vu de leurs joueurs et leur jeu très intéressant, moi, mon choix, ce serait les Sacramento Kings. Ouais, voilà. Avec Bogdanovic. Surtout qu'ils ont. On leur a tradé Harrison Barnes de Dallas, qui est un très bon joueur. Enfin, un bon joueur vraiment, donc à voir. Et à l'Est, le problème des Lakers, c'est que même s'ils finissent 8ème, ils tapent Milwaukee en playoff, et là, ça peut être une boucherie. Pourquoi non, ils taperont Golden State, justement, en playoff. Ah oui, pardon, Milwaukee, c'est à l'Est. Mais ton constat est le même, par contre, on aura un duel directement LeBron, effectivement. Après, ouais, de voir la formation Steph Curry LeBron peut être sympa. LeBron aurait quoi? On aurait un Spurs Milwaukee en. Non, Milwaukee après pour l'instant les Pistons, mais ouais. Donc là c'est même pas une boucherie, c'est que ça ferait 4-0, ça c'est sûr. Mais à l'Est c'est encore plus indécis parce qu'il y a Miami, Orlando qui peuvent se qualifier, Charlotte est pas encore sûr non plus, il y a les Nets aussi qui sont en balance, et après le top 5 à l'Est, Toronto, Pacers, Sixers, Boston et Milwaukee, ça à voir l'ordre, mais ça, les 5 seront qualifiés de sûr. Big 5, ouais. Voilà. Ah bon. Ok, c'est bon pour le point NBA. Ouais, c'est bon. Merci Tim pour ce point. On va finir avec les autres sports et on va revenir un petit peu au sport de glace, enfin au sport de neige, avec les mondiaux freestyle et des belles médailles encore une fois pour les Français et Françaises. Des belles médailles pour les Français et Françaises. On démarre avec une Française justement, effacer sa déception relative de la médaille de bronze de la région, tu fais bien de le dire, sur l'épreuve des bosses, l'épreuve dont elle est championne olympique en titre. Perrine Laffont a conservé son titre de championne du monde des bosses parallèles à Park City aux États-Unis, titre qu'elle avait remporté en 2017 à la surprise générale à l'époque. Maintenant, bon, c'est une référence de la discipline. La Riégeoise a battu l'américaine Jaylene Coff dans une finale spectaculaire avec un score de 84,74 points contre 82,59. Son palmarès commence à être très sérieux à seulement 20 ans, 4 médailles dont 2 en or dans des championnats du monde en 4 épreuves disputées, un titre olympique, 7 succès en Coupe du Monde, un globe de numéro 1 mondial l'hiver dernier et surtout sans doute un autre à venir. Ensuite, haute médaille française dans, ouais. Dans ces mondiaux de Park City, c'est celle de Kevin Roland qui revient au plus haut niveau en ski halfpipe à la suite d'un très beau run. Il a cru toucher même l'or samedi. Comme en 2009, mais l'américain Aaron Blunk l'en a dépossédé lors de son dernier passage dans le pipe, conclu avec un score de 94,20 points, battant Kevin Roland et ses 93,81 pour le rider donc, de la Plagne, mais qui réalise en tout cas une belle médaille d'argent. C'est le Canadien Noah Bowman qui complète le podium. Donc grâce à Lafond et Roland, les Français possèdent un bilan de 6 médailles dans ces mondiaux, dont 3 en or, après les titres de François Place en ski cross et de la jeune Tess Le Deux en ski big air. Donc magnifique pour nos Français. Enfin, l'Estonienne Kelly Sildaru a remporté son premier titre mondial dans l'épreuve de ski halfpipe à seulement 16 ans, un record après être devenue à Aspen la première skieuse de l'histoire à remporter 3 médailles lors d'une même édition des Winter X Games, l'événement ultime des sports extrêmes, donc exceptionnel aussi pour la prodige estonienne. On ne quitte pas les sports d'hiver avec le biathlon. Le biathlon, en bref, à Canmore, dans un froid glacial, avait lieu le coup d'envoi de la tournée américaine du biathlon mondial avant les mondiaux où on retrouvera Martin Fourcade, hein, qui était absent à Canmore. Les épreuves de sprint ont dû être annulées pour raisons de sécurité. La Fédération internationale de biathlon a décidé d'annuler les sprints hommes et dames prévus dimanche soir au Canada. Les températures, je cite, à Canmore vont rester toute la journée en dessous des moins 20 degrés, a alors expliqué l'organisation dans un communiqué. Les Norvégiens dans les autres épreuves ont été les grands animateurs de cette étape de la Coupe du Monde avec les victoires de Johannes Bø dans l'individuel devant son compatriote Christiansen et le Russe pardon, Alexander Loginov qui donc dépasse ainsi Martin Fourcade. C'est d'ailleurs son frère Simon Fourcade qui finit meilleur français 7ème. Enfin chez les filles c'est Tiril Eckhoff, norvégienne aussi, qui s'impose dans l'individuel 15 km devant Marketa Davidova et Lisa Vitozzi, pourtant toutes deux parfaites dans les tirs couchés et debout 20 sur 20. Vitozzi fait malgré tout une belle opération en général en revenant à 5 points de sa compatriote Dorothea Wierer en tête du classement de la Coupe du Monde. Dans les relais, très rapidement, la Norvège a devancé assez facilement le relais messieurs, a vaincu ce relais messieurs devant la France de Quentin Fillon-Maillet, dernier relayeur tricolore, et la Russie reléguée à près de 2 minutes à l'arrivée. Chez les dames, c'est l'Allemagne qui s'impose et renverse l'Italie dans le relais grâce aux performances éblouissantes de Hermann et d'Allmayer. La France de Julia Simon, Anaïs Chevalier, Justine Breza et Anaïs Bescon termine 3e juste derrière la Norvège de Eckhoff. Troisième sport, c'est du judo et c'est un peu la troisième compétition après les JO et le championnat du monde, c'est le Grand Slam de Paris. Le Grand Slam de Paris à l'Accor Hotel Arena et des belles performances pour les Français et surtout les Françaises. Clarisse Agbenenou a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins 63 kg en battant la Slovène Tina Trenchtak en finale. La native de Rennes, numéro 1 mondial, n'a plus perdu depuis les Masters de Saint-Pétersbourg en 2017. Très solide. Madeleine Malonga en a fait de même en moins 78 kg. Elle est venue à bout de l'Allemande Louise Malzahn lors de son dernier combat. Habituée des podiums, Margot Pino a pris la deuxième place en moins 70 kg. Elle a été vaincue en finale par la japonaise Yoko Ono. En moins 52 kg, nouvelle médaille également avec Astrid Nieto qui s'est hissée jusqu'à la troisième position dans un concours dominé par les japonaises à nouveau. Médaillée d'or à l'Open européen de Sofia en début du mois, Mélodie Vaugarnier a obtenu bronze dans la catégorie des moins 48 kg. Du côté des hommes, ça a été beaucoup plus difficile avec aucune médaille, mais au classement général, la France réalise malgré tout un beau bilan. Elle termine à une très bonne deuxième place avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et une fois encore, c'est le Japon qui a survolé la compétition avec 5 titres individuels. Quatrième sport, c'est la Fed Cup. Il y en avait une belle victoire de l'équipe de France face à la Belgique. Une belle victoire de l'équipe de France en Fed Cup. Ça faisait quand même bien longtemps qu'on attendait de revoir nos filles au plus haut niveau. Notamment Caro Garcia. Ouais. Et surtout Caroline Garcia qui faisait effectivement son retour, vous faites bien de le dire. Et donc en Belgique, hein, dans un replay de notre chère demi-finale de Coupe du Monde, détester, hein. On ne cesse pas de se croiser avec nos voisins belges. L'équipe de France menée par Julien Beneteau, nouveau capitaine, a remporté son quart de finale 3-0, profitant donc notamment du retour aux affaires de Caroline Garcia, ouais, qui a remporté ces deux rencontres, un peu plus difficile lors du premier face à Van Huytank en 3-7 et qui a conclu en punissant Elise Mertens battue plus tôt par Alizé Cornet 7-6, 6-2. Donc ça c'était pour Alizé Cornet, 6-2, 6-2 pour Caro Garcia contre Elise Mertens. Merci, bonsoir. Pour la 19e mondiale, la France jouera la Roumanie les 20 et 21 avril, tombeuse surprise de la République tchèque, tenante du titre et vainqueur de 6 des 8 dernières éditions. Dans demi-finale, nous aurons droit. Tombé. C'est beau. Ça se jouait là-bas. Et ça se jouait en plus en République tchèque. Merci Simona. Nous aurons droit à une affiche ensuite dans la demi-finale, Biélorussie, Australie ou États-Unis en fonction du résultat du double décisif qui a lieu ce soir, si je ne me trompe pas. Il y a Alep, mais leur deuxième joueur, c'est Bourzanescu. Ouais, je sais. Bah, allez, pas tous les matchs. On va terminer avec le cyclisme. Tu y étais d'ailleurs. C'est reparti. Tu y étais d'ailleurs. L'étoile de Bessèges, ça se déroulait ici dans la région. Ouais, c'est surtout parce qu'on y était présent. Ouais, ensuite, je pense que la saison battra son plein un peu plus tard. Mais j'ai représenté effectivement Sport & Chill. De jeudi à dimanche avait lieu la première course par étape de la saison du calendrier international sur le territoire français et sur les routes gardoises. J'étais moi-même du coup présent à l'hôtel C-Suite de Nîmes pour la présentation des équipe animée par Daniel Manjas et le directeur de la communication de Nîmes Métropole, Jacques Prévost. Cette épreuve était composée de 4 étapes, dont 3 en ligne. Bellegarde-Beaucaire, remportée au sprint par Brian Coquart. Le GP de Nîmes Métropole entre Saint-Géniès-de-Malgoire et La Calmette, qui est revenu au coureur de la Cofidis Christophe Laporte, devant Clément Venterini, champion de France de cyclocross. Troisième étape, le GP de Bessèges, remporté par Marc Sarraud devant Christophe Laporte. Et enfin, comme traditionnellement, l'épreuve s'est achevée par un contre-la-montre individuel dans les rues d'Alès, dans les Cévennes. C'est Christophe Laporte qui a confirmé son statut et s'est imposé à nouveau devant le Suédois Tobias Ludvigsson et le Belge Jimmy Janssens de la petite équipe Corédon. Il a bouclé les 10,7 km en 15 minutes 39 secondes et 12 centièmes à 41 km/h de moyenne. Et grâce à cette belle victoire dans le juge de paix de cette édition, Christophe Laporte est le grand vainqueur de la 49e édition de l'Étoile de Bessèges, cher à son organisateur Roland Fangil, mais aussi à d'illustres champions présents lors de la présentation des équipes. Pour les citer, Raymond Poulidor, Jean-Pierre Danguillaume, Luc Leblanc ou encore Claudio Chiappucci. C'est le Néerlandais Bok Mollema qui est un peu le dindon de la farce et qui termine au pied du podium comme dans la même seconde comme toujours, que le jeune belge Janssens. Donc très belle victoire pour Christophe Laporte. Ça doit être dur d'être Bok Mollema. Parfait, quand même. Parfait. Merci pour ces résultats, messieurs. On va passer à notre deuxième partie. C'est les autres résultats, mais c'est Montpellier cette fois-ci. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et oui, un bilan plutôt correct, avec 5 victoires, un match nul et 2 défaites ce week-end. Donc plutôt correct. On va commencer peut-être par le match nul directement. On va pas trop épiloguer sur le MHSC, mais qui a fait un match nul, on va dire, mérité contre Monaco à la Mosson. Mérité, oui, alors je me suis fait reprendre sur Twitter par un ami monégasque et après à froid. Jardim ? Non. Non, celui qui m'a filé l'info sur Jardim. Après à froid, c'est vrai que Monaco aurait pu repartir largement avec les 3 points. Scénario, quoi, avec surtout vu le scénario, évidemment. Mais la doublette devant quand même. Falcao non, de leur là-bas. Ah la nôtre, ouais, oui, voilà. Parce que celle de Monaco était pas mal aussi. Oui, oui, alors donc je vais revenir sur le score de but partout, des buts pour Monaco de Gelson Touré selon le club. Oui, Gelson c'était Touré. Magistral. Je connais pas. Magistral. Donc, ils sont trompés. Ouais. Donc Gelson Martins. Son troisième nom. Gelson Martins, c'est qui était l'homme du match. Hein, ouais. Falcao. Et Falcao qui marque bon contre des buts de Gaëtan Laborde et Andy Delors pour Montpellier. Un match, oui, Montpellier a eu des difficultés, notamment techniquement. Le schéma monégasque a bien perturbé les Montpellierains qui se sont fait largement manger au milieu en première période. Je crois que Monaco doit mener plus largement, enfin peut mener plus largement à la mi-temps au moins. L'absence de Florent Mollet, je l'ai ressenti. Hein. Junior Sambia. Ouais, Sambia, c'est compliqué. C'est là aussi, j'ai eu un débat sur Twitter avec des supporters. Je suis au chômage, hein, je suis sur Twitter. Recrutez-le. Ouais, s'il vous plaît. Sambia, oui, il a des difficultés. En fait, il a trop tendance à porter le ballon et à vouloir faire la différence tout seul. Non, alors... Mais ça, tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un croqueur. Oui, c'est un croqueur. C'est un croqueur. Alors, c'est vrai qu'il a une qualité de frappe de balle au-dessus de la moyenne, en tout cas, dans le club. Mais ça ne suffit pas. Il porte beaucoup trop le ballon. Comment dire ? Le problème, c'est que le remplaçant de Mollet, Kigan Dolly, était blessé depuis un moment. Dolly, il était revenu en fin de saison, enfin en fin d'année civile, mais là, je sais pas, il a disparu, il est même plus sur la feuille. Je crois qu'il s'est encore blessé. Donc ouais, un match nul au forceps, en tout cas on peut pas leur reprocher d'avoir lâché. J'avoue qu'à 2-1, je pensais pas qu'on allait revenir au score. Un petit coup du sort parce qu'il y a la vidéo qui rentre en compte pour le penalty et la goal line pour ce même penalty. Ouais. On prend. Ouais, hein, carrément. Voilà. Et au classement, lorsque ça donne, ben finalement on perd pas. Alors on stagne un peu, on fait beaucoup de matchs nuls, mais on perd pas, c'est-à-dire qu'on prend quand même des points et on se retrouve quand même quatrième à égalité avec je crois Strasbourg, Marseille et Nice maintenant. On est 4 à 36 points. Ouais, 36 pour Saint-Etienne, enfin, c'est très serré. Nîmes est 11e. Marseille est 4e, il me semble. Ouais. Avec un match en moins en plus. Non, on a plus de match en moins. Non, c'est fini. Ah oui, ouais. C'était Bordeaux. C'était Bordeaux. Deux matchs, je te permets de... On est... C'est incroyable. Ah, Montpellier a encore un match en moins également à jouer deux à Paris. Matchs en moins. Un. À jouer à Paris, donc c'est un match bonus en tout cas pour nous. Et ouais, la course à l'Europe, elle va être tendue jusqu'au bout. Flo, hier, m'a informé du calendrier qu'on a à domicile. Il faut prendre... je pense que nos points vont devoir être pris là. En gros, les plus gros qu'on prend, c'est jusqu'à la fin de l'année, c'est Paris et Nantes. Ouais, voilà. Ah ouais, tout le reste, c'est seconde moitié de tableau. Donc voilà, il faut cartonner à domicile et après aller prendre quelques points à l'extérieur. Et allez, pourquoi pas décrocher une 5-6e place, ce serait bien. Ouais, un petit Europa League serait bien. En tout cas, on est toujours dans la course malgré des matchs nuls à gogo récemment. Ok, un autre club montpelliérain célèbre, on peut dire ça comme ça, c'est ce LMHB aussi qui s'est imposé. Je sais plus à qui j'avais donné cette chronique, mais je crois qu'à personne, il y a qui propose sur ce coup-là. Tu parles bien de la Ligue des Champions contre Meshkov Brest. Ouais, il y a eu deux matchs donc en Coupe de France. Coupe de France. Et en Ligue des Champions, Coupe de France, ils se sont imposés facilement, donc ils sont en quart de finale. C'était non ? Ouais, oui. Il me semble bien, ils sont en quart de finale maintenant. Et en Ligue des Champions, il restera, je crois, 3 matchs. Ouais. Ils ont gagné contre Meshkov Brest ce week-end, à domicile également. Il restera 3 matchs, le prochain sera contre Kielce. Il y a Barcelone. Et Barcelone. On recevra au dernier match, je crois, et on ira à Veszprém également. Sachant qu'il reste encore des chances, mais ce sera compliqué, sachant qu'il faudra, entre Meshkov-Brest et Kristianstad, qui sont nos concurrents, il y aura un match entre eux deux. Kristianstad voilà. A perdu son match qu'ils avaient après Montpellier. J'avais regardé le classement, Montpellier était à égalité avec Brest. Avec 5 points, Kristianstad n'avait pas joué, et ils ont perdu, donc les 6, 7 et 8 sont à 5 points, ça va se jouer entre les 3. La victoire maintient l'espoir, mais... Rien à voir avec la Bretagne, ouais. Pour les auditeurs. Ah non, la victoire maintient l'espoir, mais ça me semble compliqué. Ouais, on n'est pas naturel. Il y a des petits problèmes internes en ce moment. Je me permets juste de préciser que ça ne sera pas Veszprém, mais le Vardar. Le Vardar, c'est pareil au même temps. C'est à l'est costaud aussi, quoi. Ok, on va parler de... Je vais parler en bref avant de parler de l'Open Sud de France, cher team. Donc, victoire BLMA, toujours, alors qu'elle restait sur deux revers de rang en LFB. Les Gazelles sont bien reprises samedi en s'imposant 85 à 56 contre Landerneau. Elles avaient perdu d'ailleurs au match aller contre ce même Landerneau. Les filles sont bien installées en deuxième place, juste derrière l'Asvel. Pour info, il reste 7 matchs en saison régulière, il y a encore le temps. Victoire également du MMF Montpellier Futsal, 5 buts à 0 à l'extérieur contre le Pays Voironnais. Et là, c'est en 32e de finale de Coupe de France, donc là aussi, il y a le temps. Et victoire également, 9 buts à 3 du MWP Montpellier Waterpolo face à Nice. Victoire qui confirme pour l'instant donc l'accession en play-off entre les 4 premiers. Cependant, le MWP pour l'instant 5e à 1 point du 4e qui est Lille. Il reste encore 6 matchs. Et au niveau des défaites, les Vipers sont rentrés bredouille de La Roche-sur-Yon, défaite 5 buts à 1, une défaite qui est malheureusement importante puisqu'il reste 3 matchs en saison régulière et que les Vipers sont à la première place pour les playoffs de descente, donc 11e si vous préférez. Rien n'est joué car les 3 clubs devant Montpellier sont à seulement une victoire d'avance, donc il y a la possibilité, mais ouais, il reste que 3 matchs. Et enfin, donc, le choc de la 17e journée de la division de volley. Première division de volley a tenu toutes ses promesses. Cependant, c'est Chaumont qui a pris sa revanche du match aller et revient à 4 points des Montpelliérains. Deuxième du championnat, défaite donc du Montpellier volley, 3-7 à 1. Il y avait donc un dernier événement à Montpellier, un événement de taille. C'est l'Open Sud de France qui s'est soldé par la victoire d'un Français dans une finale franco-française. Tim, qu'est-ce que tu as à nous dire sur, sur cette semaine tennistique? Je trouvais déjà que le tournoi cette année de l'Open Sud de France, en étant objectif, offrait un tableau, enfin un plateau plutôt assez intéressant avec, je rappelle les têtes d'affiche, Berdych, David Goffin, Tsonga, Herbert, Shapovalov, Krajinovic, Puy, Bagdatis, Karlovic à moindre mesure, mais donc quand même avec des bons joueurs. Dire qu'on avait Murray en quelques semaines. Dire qu'il y avait Murray, ouais, qui avait finalement désisté, mais je trouve que là les joueurs cités, c'est des bons joueurs qui donnent envie d'aller voir. Alors pour ce qui est de la semaine, j'ai trouvé que la fréquentation, comme prévu, elle est assez faible jusqu'au vendredi, hormis le mercredi, qui est la journée des enfants. Ils ont battu le record. 51 000. Ouais. Ouais. Donc ils voulaient passer la barre des 50 000 et ce qui a été fait, donc c'est plutôt... Donc il y a Sébastien Grosjean qui est heureux comme tout, quoi. Ah oui, clairement. Donc je trouve que c'était une belle semaine. Il y a eu quelques surprises quand même, le first de David Goffin notamment, qui m'a déçu, l'élimination de Pouille face à Bagdatis. Qui m'a très très déçu en live. Ouais. Sur une bête. Je veux bien te croire. Il y a surprise à moindre mesure aussi, c'est voir Herbert se hisser en finale. Son gars, c'est un peu moins surprenant, c'est qu'il réussit bien dans les tournois français. Gros match sur Shapovalov, Herbert. Ouais, très solide. C'est toi qui avais dit, je crois, il y a quelques semaines que Herbert, c'était peut-être, ou Yacine, je sais plus. Ouais, c'est le numéro 1 en tennis chez les simples, chez les français. Il faut savoir que c'est celui qui a gagné le plus de matchs en simple en 2018. Ouais. Donc stat qu'on n'attend pas forcément parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui aligne beaucoup en double, mais c'est quelqu'un qui a fait vachement progresser son jeu, qui joue justement sur ses qualités d'attaquant et de joueur de double, qui monte vachement la volée, qui met pas mal la pression sur son adversaire. Et il fait une très bonne demi-finale aussi, j'y étais, contre Thomas Berdych. Donc ouais, Berdych il explose aussi, ouais. C'est clair. Ouais. Lui, il a eu un parcours qui n'était pas un parcours championnat de France, si je puis dire. Ouais, il bat Shapovalov, même si après Berdych, Tonga a une très belle victoire, et il sort Shapovalov effectivement en quart de finale, Thomas Berdych en 2-7 sec en demi. Ouais, faut le faire. Donc faut le faire quand même. Ouais, belle semaine. Par exemple, à titre de comparaison, en fait, le concurrent de l'Open Sud, c'est Sofia. Et si je regarde les têtes d'affiche de Sofia, il y a Medvedev, Kachanov, Tsitsipas, Verdasco, mon fils. Pour moi, il y a la next gen, mais ouais, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, mon fils, pourquoi il est allé là-bas ? Comment ? Pourquoi mon fils est allé là-bas et pas à Montpellier ? Bah, on pourrait dire pareil de Medvedev, qu'il a fait l'Open Sud, je sais pas. Ouais. Medvedev fait la finale, je crois, Sofia Stalino. Ouais, il a gagné même. Medvedev, il est russe. Ouais. Il est pas bulgare. Ouais, mais toi, c'est le français qui va pas au tournoi en France, quoi. C'est bizarre, ça, non. Ouais, c'est vrai. Après, il a déjà gagné, je pense. Ouais, il a gagné. Il a déjà fait plein de fois. C'est normal, non? Non, mais bon, on sait que les tournois en France, c'est les petits championnats de France. C'est bizarre que quand même mon fils n'y soit pas. Bon, ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que l'Open Sud n'a pas à rougir la concurrence avec Sofia. Ça reste un bon tournoi 250. Mon seul bémol, si je puis dire, c'est la programmation qui est inégale en fait sur la semaine, c'est-à-dire qu'il y a des jours où, notamment le mercredi, comme ils savent que c'est la journée des enfants, ils vont mettre un gros programme. Et si on compare par exemple le programme de mercredi et jeudi, je trouve que Sébastien Grosjean il gagnerait à faire un programme un peu plus équilibré et ça serait mieux réparti, quoi. Parce que là, si tu y allais le mercredi, tu voyais des gros matchs, et le jeudi, tu voyais des matchs vraiment de seconde zone. J'étais donc jeudi, j'ai vu. Des secondes zones. J'ai vu Gulbis contre Albot, ouais. C'est pas fou, j'ai vu Granollers contre Shapovalov, d'accord. Ouais, mais j'ai pas vu Tsonga, j'ai pas vu. Ni Pouille. J'ai vu Pouille, si je dis. C'est sympa, mais bon. Ouais, mais j'ai pas vu Berdych. Ouais. En plus, après, ça, c'est le joueur qui décide, Tsonga qui s'entraîne à 9h du matin. c'est dur. C'est pas de bol, quoi. Donc, en fait, il y avait que 5 matchs sur la journée. Il y avait un double. Ouais, dans un double. Et 4 matchs sur le central. Bon, il y avait un double sur le central à midi en ouverture de programme. Ça aurait pu être mieux équilibré, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Même sur la journée, hein, on se plaint souvent de non tarif de night session. Ouais. Surtout qu'au tennis, ça se fait beaucoup. Et que tu parlais justement de la fréquentation en semaine. Forcément, les gens travaillent. Mais c'est pour ça. Ouais. Mais si il y avait un petit tarif night session, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de monde. Je suis d'accord. Ouais. Surtout que là, cette année, je sais pas pourquoi, mais les matchs ont terminé super tard. Ouais. Le mercredi et jeudi, les matchs ont terminé à minuit. Et je crois que les premières en 3-7, les premières éditions de l'Open Sud de France, il y en avait un tarif Night Session. Ah ouais. Pourquoi l'avoir sur le C'est dommage. C'est vrai que pour les travailleurs, c'est parfait, quoi. Tu te dis, t'as l'assurance de voir au moins deux matchs. Bah c'est ça. Ouais. Là, tu, c'est, si tu finis à 18h, tu payes la journée. Tu payes 20 euros pour voir si tout Albo, le match va en 2-7. Mais c'est important à dire, je comprends pas trop non plus derrière ce tournoi qui m'a fait globalement bien plaisir. Parce que, ne serait-ce pour prendre mon cas personnel, samedi, je me suis régalé à aller voir les demi-finales. Ouais, t'as vendredi, vu deux belles demi, ouais. J'ai enfin, vu deux belles demi. Ton gars Albo au moins quand même. Ouais, ça a été un petit peu à sens unique pour le coup, mais bon, ça faisait quand même plaisir de voir son gars jouer en France avec le jeu qu'il a pu produire au service avec quelques échanges fort sympathiques. Mais vendredi soir, j'avais hésité à y aller et de fait, effectivement, ça m'a un petit peu freiné. Je me suis dit, bon, bah, au vu du prix, qu'il n'y a pas de session Night Session, que j'avais terminé de travailler tard, bon, bah, je vais privilégier le samedi. Alors, j'aurais peut-être fait les deux s'il y avait eu un tarif Night Session. Ouais, c'était une simple anecdote. Ok, très, merci Romain et merci Tim pour cette petite chronique Open Suite de France. On va faire notre première pause musicale parce que ça fait quand même 1h06 qu'on parle. Ouais, on est prolixe. Enfin, là, on est très prolixe hein. Aujourd'hui, on est désolé. Première pause musicale, cher Tim. On va écouter un son pour les gars sûrs, Mobb Deep, Shook Ones Partout. Yo, done, we gotta get this loot up. World is born, thang. Yeah, to all the killers and the $100 billers. Yo, billers. For real, niggas who ain't got no feelings. Feelings. Just watch my back, I got your front. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mob comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face. You're in the wrong place, cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my team, and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing real. And yo, done spark the Philly, so I can get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, feel a burning sensation. Getting closer to God, in a tight situation now. Take these words home and think it through, or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Halfway crooks, scared to death and scared to living look. The life that of diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. 242. For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much to get you trust, safeguard on my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, if you don't play, I don't got time for your petty thinking mind. Son, I'm bigger than those, claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal mind thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React with lyrics like Max, I hit your domo. When I roll up the beat, go sleep because I'm free. Son, they shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that comes with guns. numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn guns. Sport and Chill, le débat de la semaine. De retour sur Sport and Chill, c'est le débat de la semaine. On va parler donc de la Ligue des Champions qui revient cette semaine. Je sais que tous les amateurs de foot sont à fond là, clairement. Bon. Et on va commencer. On va parler de quatre matchs, hein, évidemment, plus d'un certain match que d'autres. On va commencer par le moins intéressant pour se donner un peu. Paris. FC Porto. Non, je pense que c'est Roma Porto le moins. Roma Porto. Oui, ouais. En effet, on va parler très rapidement. Un match. Entre deux équipes de seconde zone en Europe, notamment l'AS Roma dur, qui. Ouais, Porto qui a le meilleur bilan en plus. C'est dur de dire ça. Ah oui, zone oui, en Europe, bon, quand même, c'est dur. Dernièrement, de seconde zone, on peut dire ça comme oui, ça. Oui, on dernièrement, on voit ce que tu veux dire. Oui, enfin, on même si la Roma a fait une bonne saison les dernières également. Voilà, quand même. Ouais. Mais cette année, la Roma, par exemple, qui n'est pas impériale hein, non plus en Serie A, que penser de ce match? Est-ce que la forme de Porto. Ils ne sont pas en forme, justement. Ils viennent d'aligner deux nuls là, en championnat. Ils sont un peu ralentis. La Roma qui revient depuis sa rouste contre la Fiorentina. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sens ce match où tout va se jouer à domicile pour chaque équipe. C'est-à-dire que la Roma va essayer de faire un gros match à domicile et je les vois s'imposer. Et comme je vois Porto s'imposer à domicile au retour. D'accord. Et alors là les buts à l'extérieur font la diff. Okay. Moi j'ai pas d'idée donc je dirais 51-49 pour une des deux équipes. Ah merci. La Roma peut-être quand même plutôt. Ouais, peut-être la Roma. C'est où le match retour? C'est à Porto. Là c'est AS Roma Porto. Il me semble que en plus Porto, il faudrait vérifier l'information, a perdu son meilleur joueur de la phase de poule qui est le Malien Marega. Non, il joue. Il va jouer. Ouais, il semblait avoir vu qu'il était blessé, j'étais pas sûr. Ah ouais. Ah ben ça sans lui par contre, je mets Roma direct, toi. C'est pour ça il faudrait vérifier mais il me semblait avoir vu qu'il était blessé donc voilà. Moi la Roma, je la vois plutôt se faire sortir. Ah ouais, OK. Tu la vois pas gagner à domicile par exemple? Gagner à domicile, pourquoi pas, même petit 2-1 par exemple, et puis perdre au retour peu plus largement. Ouais, le but à l'extérieur qui veut le supprimer là. Non, moi je vois la Roma, moi. Ok. Bah, en plus, que la Roma est demi-finaliste l'année dernière, donc. Tu joueras sans Shake Under. Ouais. Pas négligeable. Romain a envie de prendre la parole, mais on n'aura pas le temps. Je préfère qu'il prenne la parole sur un autre match. Non, pas sur celui-là. Je suis désolé, tu parleras pas sur celui-là. Tu parleras plutôt sur Ajax Real Madrid. Parce que ça sera l'un des autres matchs. Là, il n'y a plus qui va parler. Quasiment, non, parce que Sporting madrilène, on le rappelle. Pas que toi qui as parlé sur Liverpool. Le Real, est-ce que le Real va nous faire une classique Real? C'est compliqué. Et puis au final, en février. C'est des monstres. C'est fou, j'ai l'impression que l'équipe Real, c'est la même dynamique quoi. Il y a deux mois, ils étaient au fond, là ils reviennent au premier plan. En tout cas, le Real Madrid est effectivement. Ils ont prouvé quand même ce week-end qu'ils savaient gagner des gros matchs. Ouais, de la même manière que Manchester United qui a inversé la dynamique. Et puis le Real, comme tu le dis, au-delà du parallèle avec Manchester, ces dernières saisons, avec des saisons qui n'étaient pas toujours excellentes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire sur la première partie. Surtout l'année dernière. Surtout l'année dernière, mais cette année c'est renouvelé, revient souvent très fort au mois de février. Là c'est finalement de nouveau globalement le cas, même si pour moi il y a un facteur X qui peut manquer, c'est un joueur comme Cristiano Ronaldo, hein, il est plus là et je pense que ça se sentira quand même, je ne veux pas toujours revenir là-dessus, mais quand même je pense qu'en Ligue des Champions ça peut faire la différence à un moment donné. Mon inquiétude par rapport au match aller, c'est qu'on parlerait peut-être de Karim Benzema qui pourrait être forfait pour le match, potentiellement blessé. Après c'est pas du tout une info officielle, hein, attention. Puis après je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans lui contre l'Ajax. Ils peuvent s'en sortir sans lui, mais Mariana en pointe, c'est pas la même. Hein. Ah non, voilà. Ouais. Surtout vu la forme de Benzema actuellement. Surtout que Benzema, effectivement, est clutch, justement, dernièrement, avec le Real Madrid. Pour autant, il faut voir aussi l'adversaire. L'Ajax à domicile, ça peut être invaincu une opposition depuis sérieuse. Novembre 2017. Voilà. Ouais. Équipe invaincue, équipe avec des joueurs jeunes, de talent, qui ont fait une très belle phase équipe. De poule. Ouais, ils arrivent à les garder, leurs jeunes qui avaient clos en 2016 quand ils font finale d'Europa League. De Ligt, ils ont De Jong. Il est encore, ils invaincu, vont partir. Ziyech. Ils ont été invaincus contre Bayern. Dolberg, il est toujours là, mais il est moins bon. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est un petit peu une étoile filante pour moi. Et de fait, j'espère que le Real va prendre en tout cas très au sérieux le match aller. Parce que beaucoup de choses peuvent jouer là. S'il gagne à l'aller, je vais pas forcément s'imposer moi. Sur le match, non, mais sur les deux, forcément. Oui. Après, effectivement, la dynamique s'est totalement inversée. Je rappelle les deux résultats de la semaine. Le Real allait faire match nul contre le Barça. Il y a un mois de cela, ça aurait été impensable. Surtout que pour moi, ils doivent gagner le match au Camp Nou, le match aller demi-finale de Coupe du Roi. Sans Messi, je crois. Sans Messi en première mi-temps. Et ensuite, ils gagnent contre l'Atlético à Madrid 3-1. Donc, effectivement, on voit que ça se remet à mettre des buts. Après, pourtant, ça prend des buts. Et donc, contre une équipe contre l'Ajax, moi je pense qu'il va avoir les deux équipes marquées. Hein, je le dis direct. Si on faisait les types, soit je vois les deux équipes marquées. Moi je pense que l'Ajax le Real est logiquement favori, mais je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Sur les deux confrontations ? Ouais, moi je les ai vus jouer face au Bayern là, dans la poule et tout. C'est impressionnant. Pas impressionnant pour le niveau de l'Ajax aujourd'hui. L'Ajax c'est peut-être les plus grosses institutions du foot européen. Institution, mais en termes de c'est pas une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Non, quand tu démarres la saison, c'est très bon quoi. Moi je méfie toujours beaucoup en fait, même si l'Ajax est sur une série impressionnante de victoires à domicile, je méfie toujours de la forme de l'automne et de la forme du printemps. Pour moi, la phase de poule et l'arbitrage de finale aller-retour. Vivaldi, quoi. Ouais, exactement. On n'a absolument rien à voir et certaines équipes retrouvent leur esprit tueur. En championnat, ils sont toujours bien. Moi, j'ai même d'accord, le championnat. Oui, mais c'est le championnat des Pays-Bas. Ouais, il faut arrêter. Ça vaut rien, les gars. Il faut arrêter, il faut rester sérieux. Ah, Willem 2, hein. Vitesse Arnhem, non. Même l'eau. RNV, je serais très surpris. Malgré les grosses performances de l'Ajax en automne en phase de poule, même face au Bayern. Le Real, on les voit encore une fois, c'est la même rengaine, même sans Cristiano, en effet, ça peut changer beaucoup de choses, mais ils retrouvent leur esprit de tueur. Des huitièmes de finale, moi je donne le Real favori à 70%. Voilà. L'Ajax n'a pas de grandes chances d'accéder pour moi en quart de finale. Je reste d'accord avec toi, hein, Cristiano, c'était juste plutôt pour la suite de la compétition que j'en parlais. Non, mais ça. Ouais. Même si ça peut jouer, ça restera un match intéressant, je pense. Ouais. Match je pense que ce sera plus sérieux que ce que l'on en pense, en tout cas. Troisième match, Tottenham Dortmund, peut-être l'un des matchs les plus homogènes de ces huitièmes de finale, avec un Dortmund qui a fait un gros début de saison, commence à être compliqué, surtout que apparemment Marco Reus ne serait pas de la partie. Ouais. Non, il est forfait. Et Tottenham qui est aussi des blessés et qui est aussi une petite tradition de la loose maintenant, même en Europe. Donc, qu'en pensez-vous sur cette double confrontation? Avantage qui? Alors, moi, je dirais avantage Dortmund. Ouais. Parce que sur la saison, c'est la meilleure saison de Dortmund depuis quelques années. Après, l'absence de Marco Reus va les handicaper. Mais en fait, ce qui me fait dire que je vais dire Dortmund, c'est que Tottenham sans Dele Alli, sans Harry Kane, ce n'est pas la même équipe. Déjà, sans Harry Kane, c'est pas du tout la même équipe, mais sans Dele Alli, je les vois vraiment handicapés. Et Dortmund, le problème, c'est que je les vois vraiment scorer. Avec Kane, il est forfait. Non, il est pas là. Ah ouais, jusqu'en mars, apparemment. Ouais, il est blessé. Non, il est blessé jusqu'en mars. C'est pour ça qu'il voulait un attaquant au mercredi. Ah, Dortmund. Ils vont jouer avec Sonne, qui est un très bon joueur, mais avec sans doute Lucas et Llorente. Ouais, c'est Llorente qui joue. C'est pas la même. Moi, je pense déjà que Tottenham, ils s'en foutent de la Ligue des Champions. Ils misent tous sur le championnat, comme certaines équipes anglaises ces dernières années. Et après, Dortmund. Ils s'en foutent quand ils peuvent. Est-ce qu'il y a l'année dernière, ils sont affrontés déjà Dortmund, Tottenham. Ils peuvent se venger. Ouais, mais pour moi, déjà, Tottenham, honnêtement, quand j'ai vu la phase de poule, je les voyais pas sortir. Je suis pas d'accord. Quand t'arrives en 8ème, Tottenham quand même. Je suis pas d'accord. C'est dur de dire s'en foutre de la Ligue des Champions. Moi je trouve que les clubs de première ligue délaissent, on va dire. Alors, si je dis pas dire. C'était pas le cas l'année dernière par exemple. Ils ont quand même. L'an dernier, perdant les 10 dernières minutes face à la Juve. Et puis en plus de ça. Mais tu peux pas prendre le cas de Manchester l'année dernière. Ça dépend toujours du contexte. Ça dépend du contexte parce que Tottenham a quasiment, je dis bien quasiment, sécurisé sa 3ème place. Donc en fait ils ont pas grand chose à perdre de tout jouer sur la Coupe d'Europe et je pense qu'ils vont tout jouer même sans Kane. Ils sont éliminés de la Coupe. Ils sont éliminés de la Coupe, ils ont rien à jouer, la 3ème place est quasiment acquise. Enfin de toute façon ça c'est moi je vois quand même Dortmund de toute manière largement favori. Ils ont un facteur X Dortmund. Il y a une belle équipe même sans Marco Reus quoi, il faut les voir jouer, c'est énorme quoi. Et puis même ce qu'arrive à faire Lucien Favre cette année en Bundesliga, c'est dans le prolongement de ce qu'il a fait à Nice et à Mönchengladbach avant, c'est exceptionnel quoi. Pour conclure, je trouve qu'ils ont un facteur X qui est Jadon Sancho. Il est monstrueux. Qui a 18 ans. Peut-être qu'il a eu 19. Il vient de les avoir en tout cas. Qui me rappelle la vitesse, enfin pas le même style de jeu du tout. Ouais, vitesse d'exécution déjà, mais même la vitesse d'éclosion qu'il a eu. Ouais. En 4 mois, Jadon Sancho, c'est devenu. Ah, le Flair, c'est 5 millions, ils vont le revendre. Ouais, ça c'est une belle pioche et il est impressionnant niveau passe décisive. C'est pas un buteur comme Mbappé, mais niveau. Ouais, c'est plus un ailier. C'est plus un ailier. Et je pense qu'il peut. Pour se révéler encore plus au grand public en Europe, c'est un match idéal pour lui. Surtout en l'absence de Marco Reus. Ouais. Et on termine avec le dernier match le plus intéressant sûrement pour nous les Français. C'est Manchester United qui recevra le Paris Saint-Germain. Je vais faire cette question classique. Est-ce que après ces blessures, donc Meunier, Cavani et Neymar, si je ne me trompe pas, c'est ces trois-là, est-ce que Manchester est devenu cette fois-ci le favori de cette, tout au moins ce match aller, mais surtout de cette double confrontation? Pour moi, pas le favori. Non plus, parce que non, moi je pense pas, déjà parce que Manchester United a été nettement moins fiable, même si le Paris Saint-Germain, on est d'accord, n'a pas fait des grands résultats sortis des poules en Ligue des Champions. Bah, même dernièrement. Mais normalement, de fait, même avec cette équipe, est censée être au-dessus de Manchester United. En tout cas, en tant que favori, hein, je parle sur le papier, lorsqu'on a l'affiche, et même avec des absences, enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Surtout que Manchester United n'a pas brillé dernièrement en Ligue des Champions, même si ils avaient eu une glorieuse épopée. Ils ont battu la Juve. Oui, en phase de poule, du coup, on parle. Faut le faire, quand même. Moi, je te parle sur les contrairement bien à sûr, mais je te parle sur les dernières éditions de la Ligue des Champions. Octogone, tous les deux, voilà quoi. Bah ouais, bon, cite-moi la dernière victoire référence de Paris extérieur. Mais justement, au-delà du fait que pour moi Paris reste le favori du match, sur la dynamique et avec les absences, Manchester d'un coup se retrouve avec une bien meilleure carte à jouer et ça passe d'un avantage pour moi qui était clairement 60-40 pour Paris à quelque chose de nettement plus équilibré, voire où Manchester pourrait largement prendre le pas avec un match vraiment intéressant à jouer à l'aller à Old Trafford. Oui, Guillaume. Oui, je me suis imposé là. T'as vu, levez la main, j'ai dit oui. Ouais, moi c'est j'ai un avis que j'ai depuis quelques années sur le PSG. Ça n'a rien à voir du coup avec Manchester. C'est que à chaque fois que tu arrives au mois de février, Paris n'est pas prêt. Donc surtout que tu fais face à une équipe de Manchester qui est dans la dynamique complètement inverse de la tienne. C'est-à-dire que toi, quand je dis toi, c'est Paris. T'as pas de chance en plus, t'as pas de chance, mais est-ce que la chance, tu la provoques pas, hein. Voilà. La gestion aussi. Hein. Voilà, il y a la gestion. Il y a des mercatos ratés. Tout le temps, au mois de février, Paris n'est pas là. Donc. Après, j'ai pas dit qu'ils allaient gagner. Hein. J'ai dit que mais sur l'affiche, ils étaient favoris. C'est oui, sur l'affiche, ouais. Mais tu regardes la compo. C'est dur à dire, franchement. Ouais. Tu regardes la compo probable à Paris, à part. Tu vas jouer. Allez, Mbappé. T'as personne qui jouera son poste au milieu. Verratti. Sinon, ouais, t'as pas un joueur qui, à part la ligne défensive, t'as pas un joueur qui sera son poste. Qui pourra peut-être pas faire le match entier. Et c'est sûr que pour moi, le week-end a quand même changé les choses parce que, bon, certes, Neymar en moins, bon, c'est une grosse perte. C'est Cavani qui Cavani en moins, ça commence à faire très mal. Donc, bien sûr, aussi, mon propos se nuance beaucoup plus maintenant. Oui, et puis on ne pas forcément la logique. Regarde Manchester, ils font pas tourner contre. Non, ils font pas tourner, contre Fulham. C'est vrai, mais là, il y a qu'en France qu'on fait tourner. Il sait que Paris n'ont pas de chance. Là, Cavani. Je comprends pas. En défense, ils ont fait tourner Manchester. Un peu, mais moins. Enfin. Ouais, mais les gars de Pogba jouent, Rashford joue. Oui, après tout le reste, ça joue. Milieu et attaque jouent. Mais c'est vrai qu'en défense. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas peur, quoi. Oui. Ils disent pas, tiens, on joue Paris dans 4 jours, on va faire tourner, non? Surtout en première ligue, vous avez de l'intensité. Bah, ils veulent remonter au classement aussi, donc. Oui, ouais. C'est pas la même chose. Tu joues Fulham qui est 19e première ligue. Parler un peu. Tactique, enfin surtout composition d'équipe, on en parle aussi de ça, le milieu du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain jouera en 4-3-3, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je pense. Je sais pas, moi j'ai vu en 4-2-3-1 avec sans doute Draxler en 10 et ils mettent Daniel Alves en piston droit et Marquinhos avec Verratti. Moi je mettrais peut-être un 3-4-3 même. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Donc déjà, je pense que ça sera Leandro Paredes avec Marco Verratti qui seront au milieu. Ah ouais, quasiment ouais, sûr. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. C'est dangereux quoi, de mettre non, Paredes. Non, moi franchement, Paredes, je pense qu'il va le faire rentrer. C'est Draxler qui va jouer. Tu vas pas mettre un concou. Hein. Non, c'est Draxler qui va jouer. Non, mais je sens bien, tu vois, qu'il va mettre Marquinhos avec Verratti. Ou même un Marquinhos, c'est ça, Marquinhos sera titulaire avec Verratti, mais Verratti pourra pas faire le match entier. C'est Paredes qui va rentrer. Donc alors, ça sera Marquinhos, Verratti au milieu. Ouais, les deux. Sauf si nous sort un coup de sabot. Et les côtés, ça va être Dani Alves ou Kerrer en piston, là, et à gauche, Bernat. Et Di Maria devant. Ouais. Et Draxler et Mbappé. D'accord. Ouais, tout ça pour dire que tactiquement, ils vont jouer dans un schéma qu'ils n'ont pas joué de l'année. Ouais. Comme Laurent Blanc à City avec ça, le 3-5-2. Quand on regarde l'équipe alignée comme ça, ça repose énormément sur les poids de Mbappé là. Ouais, c'est ça. Les joueurs n'ont pas joué, mais le schéma, ils l'ont pratiqué tout au long de l'année s'ils jouent à une défense à 3. Quelles seront les forces de Paris, enfin surtout les forces, les faiblesses de Manchester? Sur quoi appuyer pour les Parisiens? Les côtés peut-être. Les latéraux. La vitesse d'Mbappé face aux latéraux. Ouais. Les latéraux et encore Mbappé joue en 9. Il peut courir quoi. Moi je pense que la. Non, je veux dire, il peut désolé. Lindelof Bailly en défense. Lindelof Bailly en défense. Moi je pense que la mieux à même quand même pour Paris, ça serait de rester sur le 4-3-3 avec éventuellement. Peut-être faire jouer à leur poste Di Maria et Draxler sur les côtés, ça serait peut-être une bonne idée à la rigueur. Parce que je suis quand même des fois pas très fan toujours revenir à une défense à 3 avec des 4 joueurs au milieu, parce que je vois pas Daniel Vest tenir 90 minutes personnellement. Non. Bah Verratti non plus. Hein. Déjà faire un rôle de piston, il faut quand même avoir un coffre physique et je pense qu'avec les années passant, il aura de moins en moins mal à assumer. Il est pas très bon c'est aussi une donnée physique. Ouais. Di Maria en 10, je suis plus que sceptique, donc je pense qu'à mon avis jouer en 4-3-3 et utiliser les côtés en espérant un gros match de Di Maria en percussion et en provocation, j'imagine pas chaud imprenable, tu vois, voilà. Après si Mbappé avait été sur le côté, ça aurait été du pain banni qu'Mbappé joue et Neymar évidemment tiennent leur place avec Cavani en 9, mais là tout est à reconstruire et il faudra voir ce que Tuchel nous réservera. Après si le PSG la joue comme l'équipe de France face à l'Argentine, même si tu mets Mbappé en numéro 9 et que tu Verratti qui a une très bonne qualité de passe qui envoie des longs ballons, il va dézoner un peu sur le côté, il va repiquer un petit peu dans l'axe. Ça va jouer est-ce que tu ne penses pas que ce sera Paris qui aura la possession? Manchester n'est pas... Oui, mais est-ce que justement dans l'intérêt de Paris, est-ce qu'il vaudrait mieux pas la laisser? Ils savent pas faire. Ils sont malins. Moi j'ai vu des matchs où ils pouvaient faire du jeu direct. Hein. Moi je suis pas d'accord avec vous là. Moi je pense que ça va jouer au milieu de terrain. Mais en Ligue des Champions, en phase de poule. Hein. Ça va vraiment se jouer au milieu de terrain. Et le rapport de force actuel, si tu vois les deux milieux actuels, je suis désolé, mais il y a un gros déséquilibre. Ah oui, là oui, mais surtout que Matic revient à son meilleur niveau. Ouais, parlons du milieu a priori. Ouais. Donc pour Manchester, ce sera Matic, Herrera et Pogba. Pogba qui est en forme de sa vie. Ouais. Et Herrera qui est pour moi le meilleur de Manchester, qui vraiment régule le jeu. Pour preuve, je crois que parmi tous les matchs qu'il y a eu de Solskjaer qui ont gagné, le seul match qu'on a fait match nul, Herrera n'était pas là. Ah ouais. Voilà. Donc ceux qui aiment les chiffres, on parle peu, mais on a fait match nul. Bah oui, je peux le dire que je suis pas en train de Manchester. Tu as raison de le dire. C'est sûr que Paris, ils ont pas eu de chance avec les Surtout que cache pas avec Liverpool et Real. Surtout que contre Bordeaux, quoi. Que tu aimes bien Ander Herrera qui passait par Saragosse. Ander Herrera, effectivement. Mais oui, en tout cas, je pense que la bataille va jouer au milieu. Et comme vous le dites, le rapport de force est extrêmement déséquilibré actuellement. Avec un milieu parisien qui me semble pas du tout prêt pour les échéances européennes. Et c'est pour ça que je crois que Manchester gagnera sans doute le match aller à Old Trafford. Après, il faudra voir exactement ce que sera le score et s'il y aura des retours possibles d'ici les retours pour le Paris Saint-Germain. Vas-y, pronostic, j'avoue. 2-1 Manchester. Oh, t'es timide. Ouais, timide. Allez, un partout. Oh. Je vais dire un partout aussi. 2-0 Manchester. 2-1 Manchester. D'accord, ok. Et je voulais ajouter juste un petit truc, 30 secondes. C'est que Paris, ça fait des années qu'on les bassine avec vous passez pas les 8e. Ça va jouer dans les têtes, je pense. Manchester, ils ont aucune pression. Paris, ils ont la pression d'aller loin en Ligue des Champions oui, Alex. Aucune pression, je suis pas d'accord. Du coup, tu penses avoir Manchester, ils passent par favori, donc ils s'en fichent. Enfin, ils perdent, c'est pas normal, mais c'est bon. Oui, on est passé par le fond du trou. Voilà. Enfin, là, quand même, avec les blessures et tout, pour moi, c'est du 50-50. Même léger avantage Manchester, mais bon. Paris, c'est une catastrophe. Pas quand même, donc moi je mettrais un 6-1, comme ça on perdra 4-0 au retour. ça rappellera des bonnes heures à Paris. Voilà, c'est sur ce débat. Ça sera mardi, Manchester United Paris. Impatient. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est quelque chose une autre pause musicale assez connue aussi. Ouais, je reviens un titre de Daft Punk, Very Disco. Allez, à tout de suite. De retour sur Sport & Chill, c'était les Daft Punk avec le titre Very Disco. On passe tout de suite au quiz. Sport & Chill, le quiz. Le quiz, je vous l'ai dit, est un peu spécial aujourd'hui. C'est un quiz spécial déclaration mythique. Donc ça sera tout le temps de qui a dit, tout simplement. Et ça sera la rapidité. Jamais de tour de table. Donc ça sera juste sur la rapidité et sur un peu vos connaissances. On a le droit à combien de propositions? Alors, je vais être assez vague là-dessus. Autant que vous voulez, mais restez dans le raisonnable. Donc pour pas polluer non plus. Imaginons si vous pensez à un joueur de l'équipe de France de rugby, vous n'allez pas tous les dire non plus quoi. D'accord. Je vais vous aiguiller un petit peu aussi. D'ailleurs, c'est pas parce que la phrase est finie que je vais vous aiguiller un petit peu sur la personne qui l'a dit. T'es gentil. Voilà. Il y en a des faciles, il y en a des très durs. On verra. Première facile, je pense. Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but. George Best. C'est comme danser avec sa sœur. Pelé. Maradona. Balotelli. Maradona. Point pour Tim. Vamos. C'est Maradona qui a dit ça. C'est un truc alors Georges Best. Ouais, c'est vrai. Et bien là, Maradona dit, aussi bizarrement. Je suis fatigué de parler d'argent. Je veux juste jouer basket, boire du Pepsi et porter des Reebok. Michael Jordan. Bryant. Michael Jordan. Kyrie Irving. C'est un ancien. Un ancien. Tim Duncan. Manu Ginobili. Non, il est... Moi, je le connais, donc ça veut dire qu'il... Shaquille O'Neal. Oui, Shaquille O'Neal. Il a sorti d'où, lui. Je le cherchais. Ryan Allen, mais bon. Ah, ça m'est revenu. Attention, celle-là est très facile. Ça ressemble bien, ça. Le football est un sport simple. Gary Lineker. Gary Lineker. 22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. C'était Gary Lineker à la Coupe du Monde 90. Mais il fallait la faire. Ouais. Qui a dit « J'ai manqué plus de 9000 paniers dans ma carrière ». J'ai perdu près de 300 parties. À 26 reprises, on m'a fait confiance pour le tir gagnant et je l'ai manqué. J'ai subi du multiple échec dans ma vie et c'est pour ça que j'ai réussi. Vince Carter ? Non. Gasol ? Non. Lequel ? Duncan ? Non. Non, respect. Novitski ? Irvin ? C'est un ancien. C'est un ancien, ça. Dirk Nowitzki ? Non. J'ai envie de dire le plus grand des anciens. Jordan. Mais oui, mais il a dit il y a pas longtemps en plus. Eh ben, je l'avais pas. Qui a dit les avez-vous vu frapper la balle du fond de court? Je pourrais jouer à ce rythme, disons, 10 minutes. Puis je devrais quitter le court. Bjorn Borg. Je ne battrai pas ce groupe composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Mon meilleur niveau de jeu du passé ne pourrait même pas rivaliser avec le André Agassi aujourd'hui. André Agassi. C'est assez fou de dire ça d'ailleurs. Un dixième avant. Attention, très rapide celle-là. Il a raison en même temps. Puisque oui, c'est une André phrase Agassi courte. Bon, il faut rendre César à César. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était forcément une Ribériade. Non. Yuri Djurkaev. Bon, pas loin. Patrick Vieira. Pas loin de. Samir Nasri. Non, mais c'est dans le genre quoi. Jérémy Ménez. Non. Il faut rendre César à César. Il faut rendre César à César. Adil Rami. Non. Est-ce qu'il est français? Kipembe. Gignac. Kossiani. Il est français, oui. Mexès. Kipembe. Ah, c'est un cas. Hein. Galas. Il a joué dans le club Alex, dans mon club à moi. Mon club à moi. Evra. Michael Sylvestre. Patrice Evra. Patrice Evra. Ah oui, mais je cherchais l'an. Ah bah oui, alors là. Ah non. Oui, je cherchais l'an, j'ai pensé à Vérel. Non, on se peut pas être Vérel, un cadre de l'EDF quand même. Qui a dit? J'ai pris un terrible tonton Pat. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool. Mayweather. Ah oui, les filles, les voitures de sport. Ah, le reste, je l'ai gaspillé. J'ai jamais vu la mer, oui. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, oui. Genre, je l'ai aussi. Elle est folle, celle-ci. Il y avait un bar entre la plage et la maison, ça. Ouais. Il y avait un bar entre la plage et la maison, j'ai jamais vu la mer. Il y en a sorti pas mal, hein. Quel génie. Qui a dit la consanguinité est à l'origine de la disparition des grandes civilisations? Oui. C'est peut-être ce qui fera disparaître le rugby français. Yachvili. Bougelal. Boudjelal. Ouais, ouais. Par cette phrase, il pointe sur les instances dirigeantes du rugby qui vivent entre elles et ne cherchent surtout pas à se renouveler, que ce soit la fédération ou la ligue. Encore d'actualité finalement. Oui, il a raison. Hein. Pas forcément tort. Hein. C'était qui a dit? C'est Yacine. Hein. C'est Yacine. Ouais, d'accord. Alex, quand tu veux. Hein. Oui, oui. Alors, oui. Un athlète ne peut pas courir avec de l'argent dans ses poches. Il doit courir avec de l'espoir dans le cœur et des rêves plein la tête. Usain Bolt. Christophe Lemaître. Non. Jesse Owens. Non, mais c'est dans le genre, c'est... Carl Lewis. C'est un ancien. Bob Lemon. Bob Tari. Powell. Diagana. Non, il n'est pas français. Elgin Rouge. Powell. Non. C'est un grand champion. Carl Lewis. C'est un grand champion. Michael Phelps. Non. Non, Michael Johnson. Non. Ça se trouve, c'est même pas de l'athlétisme, tu sais, on dit courir, mais... Je vous fais voir un livre. Eddie Merckx. Alain Mimoun. Bah non, c'est pas Alain Mimoun. Zatopek. Oui, Émile Zatopek. Jeu 56-60. Le grand concurrent du marathon à Alain Mimoun, Émile Zatopek. Et oui, le Tchèque. Le Tchèque. Évidemment. Point pour Yacine. Ah bah c'est une légende du marathon. Non, vraiment, ouais. Ouais, ouais, ouais, si vous le dites. Ah bah si, c'était la locomotive tchèque. D'accord. Kali, je me suis dopé parce que tout le monde se dopait. Et si maintenant on veut m'accuser de me doper, ce qui n'est pas bien difficile, il suffit de regarder mes fesses et mes cuisses, ce sont de véritables écumoires. Ricardo Rico. J'ai pensé à lui, hein. J'ai pas osé. Ça sera pas Rasmus, du coup. C'est un cycliste. Foyle Lendis. C'est un cycliste en effet. Ulrich. Ah, j'aurais jamais. Schleck. Non. Il est français. C'est pas Grégorio. Oui, ça dit Grégorio. Ouais. Brochard. Moreau. Cocard. Pedrigo. Un grand. Alaphilippe. Un grand. Non, ah. Qui est terminé depuis. Virenque. Le Blaireau. Hino. Bernard Hino, non. Bah non. Fignon. Pignon. Anctil. Anctil. Ah merde, on va y arriver, hein. Ouais, je connais même pas. J'étais entre Hino et Anctil, du coup, un très grand. Hein. Dur. C'est pas Hino. Qui a dit. Le mec est complètement nul. Je suis extra mauvais. Benoît Paire. J'ai juste à jouer 2 secondes. Je pense que je le gagne 6-2. C'est quand même Tobias, hein, c'est un numéro de mondial. Ouais. Mais il a pas dit en plein match si. Au micro si. Enfin, si, on l'a entendu au micro. Il est complètement nul. Ouais. Moi, je perds contre un mec extra nul. Ouais. J'ai juste à jouer 2 secondes. Je pense que je le gagne 6-2. Benoît Paire contre Tobias. L'humilité de la personne. Qui s'est fait d'ailleurs siffler comme jamais. Zéro ce Kleps là. Il s'est fait siffler comme jamais à l'arène. Qui a dit électronique. Qui a dit messieurs. Certains croient que le football est une question de vie ou de mort, et cela me déçoit. Je vous assure que c'est beaucoup, beaucoup plus important que Shanklin. Cela. Bill Shankly. Shanklin, je sais pas si Bill je l'accepte. Bill Shanklin, si. Non, Bill Shankly. Il n'y a pas de haine. Ah, bon. Je donne la point en deux. Le point en deux. On l'avait avec Kim. C'était fort gentil. Ouais. Ah, 0-9 pour Yacine. On disait bien qu'il y avait un problème d'orthographe. C'est tout. Enfin, de consonance. Bill Shankly, entraîneur emblématique de Liverpool, évidemment. Qui a dit je peux pleurer comme Roger. C'est juste dommage que je ne puisse pas jouer comme lui. Pas mal, pas mal. Tu vois Andy Murray, ouais. Bien joué, bien joué. Tu l'avais celle-là. Il est fort le lundi. Qui a dit si je suis jeune, je suis mignon et je suis totalement imbattable. Je suis Dimitrov. Non. Fonini. Non. Dustin Brown. C'est pas un tennisman. Ouais. C'est un sport individuel, parce que il faut être imbattable. Verstappen. Non. Ah, C'est une phrase mythique, mais vraiment mythique. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Oh. Ah ouais, je savais pas qu'il a dit ça. Tu vois. Mais Alex. C'est bon, j'arrête. Quand tu dis mythique, et après quand tu montes à vraiment mythique, t'as Ali et Federer. Voilà. Les gars, Alex vient de démarrer le quiz. Si je n'avais pas eu mon nez, je la prenais en pleine poire. Ibrahimovic. Pierre Federico. Il avait un pif aussi. Il a toujours, hein. Oui, il a toujours, en effet, il n'est pas décédé. Si j'avais pas eu mon nez, je la prenais en pleine poire. En meilleur. Non, je pense qu'il n'y a pas de rapport avec le nez, mais c'était juste pour la phrase. Il fait du rugby. Moscato. Califano. Non, mais j'étais dans. Olivier Bernier. Herrero. Herrero. Non. Serge Blanco. Non. Denis Charvet. Moscato. Quoi, il est. Non. Quoi, tu ris. Fabien Pelous. Non, William c'est. William Servat. Emmanuel Arnaud. La bonne Dauphine. Génération. Non, je pense pas. Je suis pas très expert, mais je le connais. Surtout parce que. Surtout maintenant, parce que. Bernard Salle. Thomas Lombard. Il a une entreprise importante. Altrad. Ah. Fabre. Non. C'est une entreprise qui a fait débat, même. Enfin, je sais pas si c'est lui qui. Lafarge. Qui possède cette entreprise, mais il a le même nom, en tout cas. Aïe. Et c'était des frères, si je me trompe pas non plus. Ah oui, Spanghero. Spanghero. Ah oui, wow. Spanghero. Oui, oui, oui, bien sûr. Merci. Walter Spanghero. Spanghero, ouais. Ah, il est marrant, c'est probable. Pas largué, moi, ça. Qui a dit, vous pouvez changer de femme, d'opinion politique, Cantona, de religion, Cantona. Mais Cantona. Vous ne pouvez jamais, jamais changer d'équipe de foot préférée. Non, c'est Cantona. Ah ouais. Ouais, Totti a failli. Non, il a fait un truc similaire. Oui, j'ai jamais trompé mon club, j'ai trompé plusieurs fois mes copines. Ouais, voilà. J'ai jamais trompé le. Merci Francesco. Le grand. Qui a dit la douleur est temporaire, l'abandon dure toujours. C'est beau. Lil Shankly. C'est un mec abandonné, ça, quand il est petit. Lil Shankly. Shankly, ouais. Sampras. Non. Diniz. C'est un mec qui. Où l'abandon est important dans ce sport, parce que c'est un sport très compliqué. Ou, ouais. Enfin, compliqué. Quelqu'un d'adopté. Endurant. Kylian Jornet. Endurant. Bon, c'est un cycliste. Loïc Perron. C'est un cycliste. Ouais. Ah. Ouais, je suis mort. Fignon. Non, t'es pas mort. Ah. Endurain. Poulidor. Bernardino. Eddy Merckx. Virenque. Andy Fleck. Denis Charvet. Armstrong. Peter Sagan. Qui? Armstrong. Armstrong, tout simplement. Lance Armstrong. Bah oui. La douleur est temporaire, l'abandon dure toujours. Lance Armstrong. Mon idole. D'où l'importance de se doper. Livestrong, Livestrong, les gars. Allez, dernier deux points. Dernier à deux points. Un petit qui saute va toujours moins haut qu'un grand qui saute. Bien. Laurent Blanc. Lavillenie. Henri Bédimo. Jonathan Edwards. C'est un petit lui-même. Valbuena. Non. Deschamps. Non. Sarkozy. Pas loin. Pas loin de Deschamps. Ouais. Stéphane. Non. Durkheim. Jean Todt. Quel rapport. Parce qu'il est triple, Jean Todt. Oui. Non, pas loin parce que c'est un entraîneur. Giroud. Giroud, oui. Ah, Giroud. Ah oui, Giroud, c'est vrai. Ouais. Jean-Todt Giroud. Ce bon vieux Giroud. C'est la même décennie. La GIA est avec lui. Voilà, victoire de Yacine. Assez largement. Quoique, il y a eu des beaux résultats quand même. Sur cette spéciale. Déclaration mythique, j'espère que ça vous a plu. La thématique. Merci Yacine. On va passer à notre agenda. Au niveau de l'agenda, Guillaume me fait non, mais on commencera pas par le foot. T'inquiète, voilà, pas de souci. Pas de souci. Guillaume veut partir. J'avais complètement zappé l'agenda. Alex, est-ce que tu as du rugby pour cette semaine? Oui. Merci. J'ai même pour la semaine prochaine. Allez. Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc, du coup, agenda 6 nations dans 15 jours. Pour les filles et pour les moins de 20 ans et pour Léa, ce sera France-Écosse. Le 23 pour les filles à 21h à Lille au stade Pierre-Mauroy. Pour Léa, toujours le 23 à 15h15. Et concernant les juniors, c'est le 22 au stade du Hameau à Pau en fin d'après-midi, vers 18h. Ouais, voilà, et du côté du top 14, ah oui, pardon, quand même, important du 6 nations, même si on en parlera un peu, le fameux Galles-Angleterre, quand même, qui sera très important. Non, c'est pas tout de suite. Hein, le 23, ce sera, ouais. Voilà, le 23, mais quand même le gros choc. Et par contre, la semaine calme. Oui, non, enfin, ce week-end, il y a quand même du top 14 qui reprend avec le 16, 14h45, Clermont-UBB, les matchs à 18h, toujours le 16, Pau-Castres, Montpellier-USAP, Stade Français-Lyon, Agen-Toulon le soir à 20h45, et les deux matchs du dimanche sont Grenoble-La Rochelle à 12h30 et la grosse affiche Racing-Toulouse à 17h. Ok, pour le rugby en sport d'hiver, Romain. En sport d'hiver, la suite des championnats du monde de ski alpin du côté d'Oreux en Suède, avec dès demain mardi le team event, l'épreuve par équipe mixte à partir de 16h, à suivre sur les antennes de France Télévisions, très cher ami. Donc l'épreuve que vous avez pu découvrir lors des Jeux Olympiques 2018, épreuve assez palpitante. Enfin, je sais qu'avec Flo, on en avait parlé, on a trouvé l'un comme l'autre que c'était une épreuve très intéressante que je vous encourage à suivre. Ensuite, jeudi, c'est le début des épreuves techniques avec le slalom géant dames à partir de 14h15. Le grand retour aussi de Michaela Schifrin et une grande chance de médaille avec Tessa Worley. Vendredi, ce sera le slalom géant messieurs avec Marcel Hirscher, Henry Christophersen ou encore nos Français Pinturo Fèvre. Samedi, ce sera le slalom dames avec la première manche à 11h pour Schifrin et Vlova. Et dimanche, le slalom homme en clôture, première manche à 11h. Finalement, copier-coller du samedi chez les dames avec Hirscher ou encore Clément Noël, Alexis Pinturo, Henry Christophersen et Ramon Zeinhausern. Ensuite, dans les autres sports d'hiver, sachant que tu m'évoquais les sports d'hiver, il y aura l'autre manche de la tournée américaine de biathlon du côté de Salt Lake City qui démarre à partir de ce jeudi 14 février avec les sprints mass start et il y aura dimanche des relais mixtes. Ensuite, vous aurez du snowboard, du ski acrobatique. Je reviens sur le ski de fond avec la manche de Coupe du Monde de Val d'Aoste en Italie. Ou encore du saut à ski en Allemagne, chez les hommes du côté de Willingen et chez les dames du côté d'Oberstdorf. Je laisse continuer avec d'autres sports. D'autres sports, en bref, nous aurons les sports auto avec le retour de la WRC, le rallye de Suède, championnat du monde du 14 au 17 février, cette semaine, que je vous encourage à suivre. On aura également du tennis avec l'ATP 500 de Rotterdam. Je ne sais pas si ça fera partie des tips ou si Tim traite d'autres choses, mais voilà, on aura des tips sur... Non, c'est pas le cas. J'ai d'autres matchs de tennis, mais pas à Rotterdam. Voilà, mais de quoi ATP 500 de Rotterdam, mais aussi il y aura un tournoi WTA Doha ou encore ATP 250 New York et Buenos Aires. Enfin, il y aura bien sûr le NBA All-Star Weekend qui a lieu tout au long du week-end avec le grand événement, le All-Star Game entre la Team LeBron et la Team Giannis qui sera à suivre dimanche soir, que je vous encourage à regarder, bien évidemment. Ok, avant de passer au foot, tout le monde a dit ce qu'il a à dire sur l'agenda ? Rien de plus ? Non, sûr. Guillaume, pour terminer sur le foot. Oui, alors c'est semaine de Ligue des Champions, donc demain mardi, AS Rome, FC Porto et Manchester United, Paris Saint-Germain, les matchs sont à 21h. Mercredi, Ajax, Real Madrid et Tottenham Dortmund. Mercredi, on aura également des matchs en retard de Ligue 1 de première partie de saison, Saint-Etienne, Strasbourg et Caen, Nantes. Jeudi, Ligue Europa, ça repart sur le foot européen avec Lazio Séville et notamment Rennes Betis ou Bate Borisov Arsenal, fait de la folie. Celtic Valence aussi qui a l'air sympa. Vendredi, les championnats nationaux reprennent avec en Ligue 1 Lyon Guingamp. Vendredi également, Augsbourg Bayern Munich en Bundesliga et la Juventus face à Frosinone qui joue en avance. Atalanta Milan aussi. C'est samedi, monsieur. Oh, ça, je le matin, tiens. C'est samedi. Oui, samedi. Ouais, samedi, c'est vendredi. Avec un certain Piatek. C'est ma chronique, Yacine. samedi en Liga, qu'est-ce qu'on a ? On a Vallecano qui reçoit l'Atlético Madrid et Barcelone qui reçoit Valladolid. Ah, ça, tu fais bien de me la dire. Ah oui, tu me régales. Alors le supporter. Ah, à fond derrière. Ligue 1, samedi, 4 matchs. Marseille-Amiens à 17h, suivi d'Angers-Nice, Monaco-Nantes et Nîmes-Dijon. Oui, belle journée de Ligue 1. Ouais. Samedi à 20h30 en Italie, Atalanta, donc AC Milan. Et dimanche en Liga, Real Madrid-Girone et Valence-Espagnol-Barcelone. En Ligue 1, 5 matchs, donc la journée est étalée à cause des manifestations. Bordeaux-Toulouse, Caen-Strasbourg, Lille-Montpellier à 15h, Reims-Rennes à 17h et le choc Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain à 21h. Yes. Qu'est-ce qu'on a en Liga ? En Serie A, on a l'Inter qui reçoit la Sampdoria dimanche et Naples qui reçoit le Torino. Et lundi, parce que ce sera pendant l'émission, on aura un duel en FA Cup. En 8ème de finale, pardon, Chelsea face à Manchester United. Et messieurs, vous me regardez tous ces matchs et on veut un résumé détaillé pour la semaine prochaine. Oui, par écrit. Un minimum. Ouais, Bordeaux-Toulouse surtout. Je peux tout le résumé même de Nîmes-Dijon. Et je termine sur l'espoir montpellérain. Mercredi, Galatasaray, belle main en 8ème d'Eurocup. C'était bien en 8ème, hein, oui, Romain, oui. Tu avais bien raison. Oui. C'est juste que en fait, moi j'avais vu que ça allait faire 8ème, enfin quart. Des barrages, oui. Puisqu'en fait, il y a eu des renversements. Juste des reversements de compétition. Ouais, voilà. C'est la fin d'émission. Comme entre la Ligue des Champions et l'Europa League. Également mercredi, le MHB se déplacera à Istres pour le championnat. Enfin, le samedi 16, La Roche-sur-Yon, BLMA. Montpellier Futsal recevra Plaisance. Montpellier Waterpolo ira à 7 pour le derby. Qu'il sait, donc MHB. MHSC Féminin recevra Dijon. Le MAVUC, enfin MCVUC plutôt, le volleyball donc recevra Poitiers. Et enfin, dimanche, il y a aussi MHRUSAP, j'ai oublié. Oui. Et dimanche, le LOSC recevra le Montpellier Héros. Voilà pour cet agenda. on va finir avec les pronostics, cher Tim. Tu as du temps dernièrement, donc. Ouais. Je fais pas le pronostic de la semaine parce que j'avais choisi MU Paris. Du coup, on l'a fait. Ouais. Ah bah autant pour moi. Voilà. J'ai deux combinés. J'ai un combiné tennis avec du coup pas Rotterdam mais Buenos Aires, New York et Doha. Marterer contre Banis, je mets Marterer. Elise Mertens contre... Sors de loin ça. J'avoue. Du très fond. Il y a encore ta patrouille. Hein. Elise Mertens contre Siniakova, je mets Mertens. Caro Garcia contre Tsurenko, je fais confiance au niveau actuel de Caro Garcia. Londero contre Souza, j'ai mis Souza, mais. Putain, le calif de l'Open Sud. Londero qui a fait un gros tournoi chez lui à Cordoba. Ouais, c'est là. Pour ça, mais je veux voir de son nuage quand même. Je vous encourage à voir tous le ces matchs. Le gars a gagné un tournoi quand même à Cordoba alors qu'il n'a jamais gagné un match en pro. Ah, il a gagné le tournoi finalement. Ouais, il a gagné le tournoi. Ouais. Champion. J'avais pas misé Guido Pelli en tout cas, ça va toi. Et en cinquième, je mets Maxi McDonald contre Istomin. Cote à 10,80. Et tu mets Mertens par rapport à sa forme Bah, je me dis que c'est, ça reste une top joueuse et Siniakova, elle va rebondir, tu vois. Ouais, d'accord. Je le sens comme ça. Voilà. D'accord. Mais sans le. Après, peut-être je le sens rien. Je sens pas grand chose en ce moment. Et après, j'ai un deuxième combi NBA sur les matchs de cette nuit. Du coup, ça me permet de faire l'agenda en même temps. Cleveland contre les Knicks. Je mettrai Cleveland dans le style. Ça pique. Hein. Les deux équipes peuvent perdre. Ouais, les deux équipes peuvent perdre. Double défaite. Indiana, Charlotte. Là, je mettrai Bogdanovic à 20 points ou plus, qui est passé 5 fois sur les 6 derniers matchs. Charlotte, du coup. OKC contre Portland, je mettrai OKC à domicile. D'ailleurs, Westbrook peut établir un nouveau record incroyable. Il peut faire un 10e triple-double d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé depuis Wilt Chamberlain. Ouais. Donc tout se joue cette nuit pour lui. Houston, Dallas, je mettrai plus de 219 points. Et Minnesota Clippers, je mettrai Minnesota à domicile, cote à 10,12. Ok. Voilà. Intéressant. Voici les tips de la semaine. Kemba Walker, il joue pas ce soir ? Comment ? Avec Charlotte ? Il joue. Quel poste il joue, tu veux dire ? Kemba Walker. Kemba Walker. Il demande s'il est apte à jouer. Oui, peut-être des belles cotes sur Kemba. Mais meilleur marqueur, c'est pas intéressant quoi. Bah, il est 1,60, 1,50, 1,60. Moins, je crois. Moins ? Ouais. Oh, il n'y a pas de marqueur à Indiana. Ouais, c'est vrai. Sachant que la dernière fois, en plus, que Tim avait mis Kemba Walker, c'est pas réalisé, malheureusement. Don't teach. T'entends d'autres choses. On se fait avoir, ouais, je crois. Ouais, on se fait avoir, ouais. Ok, on va terminer là-dessus. Merci pour cette émission. C'est régalé, merci à toi. Merci à tous. J'avais prévenu, on s'est régalé. Bah, comme chaque semaine, voyons. C'est vrai. En effet, merci à la technique. Je sais pas ton prénom. Ah, j'entends pas. Lucas. Lucas ? Voilà, merci à Lucas. Mika. Merci à Mika pour la technique. yes. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre. Ouais, vous n'oubliez pas les paroles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur le groupe Le Café du Commerce. Et sur Twitter. Et sur Twitter. Et sur Instagram. Et sur YouTube maintenant. Ouais, on est et partout. Sur Pinterest et sur LinkedIn. Google Plus. Sur Vine. Sur Google Plus. Sur Telegram. Sur Viber. Sur Dailymotion sur tout le monde. Vimeo. Voilà. Vous pouvez l'oublier sur MSC. on va retrouver tout de suite après l'émission, surtout Independent and Happy on Air. C'est tout de suite après. Nous, on va se quitter avec le son de la semaine. On en a parlé tout à l'heure. C'est la seconde manche de Alexis Pinturo qui est champion du monde. On peut appeler ça comme ça. À partir d'aujourd'hui. Et à jamais. Et à jamais. Gravé pour bravo Alexis. À la semaine prochaine avec Yacine aux commandes. Moi, je ne serai pas là en déplacement, qui prendra cette émission et on parlera notamment Six Nations. On l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Passez une bonne soirée, messieurs. Voilà. Bonne soirée. Salut. Bye bye. Allez les bleus. Cette descente tout à fait correcte, Alexis. Il a les armes. Il a 36 centièmes d'avance sur Stéphane Nadal. C'est parti pour Alexis. Voilà, surtout en ce moment, il a une super forme en talon, Alexis. Premier changement de vie se passe très bien. Ouais, il est à l'heure. C'est bien. C'est 3 centièmes de repris déjà, Nadal. Ah, c'est parfait. Hein. Parfait. Il est posé, il est puissant, ouais. Il est. Voilà, vraiment, il se donne toutes les chances aujourd'hui. Il y a encore changement de rythme ici. Parfait, voilà, très bien négocié de la part d'Alexis. C'est du bon Alexis, c'est du très bon Alexis. 37 centièmes, attention, sur le bas. Adaline a été très bon. Voilà, Adaline a été exceptionnel dans le dernier mur final. Donc il faut être tôt précis. Voilà, cette diagonale. C'est bon Alexis, ça devait suffire pour prendre la tête. Allez, C'est bon. 24 centièmes d'avance à l'arrivée. Il a été un peu moins rapide qu'Adaline sur la manche, mais ça suffit. Un dixième, non, c'est la perf. la perf, elle est faite, il est là, il peut être content, il y a quasi zéro faute.